Proximus, infiniment proche. En télé sur la Une. Je m'appelais Emma Fortuny. J'avais 20 ans lorsque toute ma famille a été tuée. Moi-même, je suis officiellement morte. Mais je suis revenue 10 ans après, pour me battre. Elle se met au service de ceux qu'elle traque. Votre nouvelle série, La Vengeance aux yeux clairs, ce dimanche soir sur la Une. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe, retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio. Où, quand et comme vous le voulez. Sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. Libérez vos envies. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Une idée importante ? Ne la laissez pas s'envoler. Écrivez-la sur une note super sticky post-it. La première. C'est l'heure, il est pile 9h. Le moment de votre journal sur la première présentée par Maxime Binet. Bonjour Max. Et bonjour à tous. C'est une figure, une icône de l'Église catholique, Mère Teresa, bientôt sainte ce dimanche. La célèbre religieuse de Calcutta sera canonisée ce matin à Rome. Pas moins de 100 000 personnes sont attendues, place Saint-Pierre. La fête continue à Charleroi ce dimanche pour les 350 ans de la ville. Des festivités marquées par la fermeture du site Caterpillar à Gossely. Hier soir, beaucoup de Kaolo étaient présents, participer à cet anniversaire. Et puis, c'est l'info sportive du week-end en F1. Le Belge Stoffel Van Dorn sera pilote titulaire chez McLaren l'année prochaine. Le pape François présidera la messe de canonisation de la religieuse dans un peu moins d'une heure. Mère Teresa, elle deviendra sainte ce dimanche, surnommée la petite sœur des pauvres de Calcutta. Elle est décédée en 1997 et pas moins de 100 000 personnes sont attendues aujourd'hui sur la place Saint-Pierre du Vatican. Depuis Rome, on retrouve Valérie Dupont. Moins de 20 ans après sa mort, Mère Teresa deviendra donc Sainte Teresa de Calcutta. C'est sans aucun doute un record de vitesse pour l'Église. La guérison miraculeuse d'un Brésilien de 35 ans atteint de multiples tumeurs a permis au pape François de faire entrer Mère Teresa dans le cercle fermé des saints de l'Église catholique. L'Albanie et la Macédoine se disputent les origines de cette petite femme, née en 1910 dans ce qui était encore l'Empire ottoman. En 1928, elle part en Irlande pour son noviciat. Deux ans plus tard, elle quitte l'Europe, direction l'Inde, pour enseigner. C'est en 1946 qu'elle affirme avoir reçu un appel du Christ pour établir à Calcutta une communauté religieuse dédiée aux pauvres. Très vite, elle ouvrira d'autres maisons. La communauté des Sœurs de la Charité compte aujourd'hui 5300 membres. Impossible de nier l'importance du travail de Mère Teresa pour soulager la misère humaine. En 1979, elle recevra le prix Nobel de la paix. Revers de la médaille, Mère Teresa était aussi inflexible sur la doctrine catholique. Elle était contre l'avortement, même dans les cas les plus graves de viol ou de malformation. De nombreuses associations catholiques fondamentalistes seront d'ailleurs présentes sur la place Saint-Pierre ce dimanche. Valérie Dupont depuis Rome. La messe de la canonisation débutera à 10h30, place Saint-Pierre. Charleroi, en fait, malgré tout, à l'occasion de son 350e anniversaire, un anniversaire entaché par la fermeture du site Caterpillar à Gossely. Mais l'ambiance est tout de même bien présente. Hier soir, il y avait beaucoup de monde sur le quai de Brabant. Et Grégory Fobb était parmi les Kaolo. Voici son reportage. Sur la place du Manège, d'où partent les différents groupes qui composent le cortège, une quarantaine de travailleurs de Caterpillar, dont Calogero. C'est un rassemblement informel, oui, qui a été créé sur les réseaux sociaux. Et vu que quand même c'est tout frais, ça nous tient à cœur, voilà, on s'est réunis. Dans le même temps, le cortège se forme, un cortège ouvert par une délégation de l'Homme Gang, venue tout spécialement de Bruxelles. Charles Quint est ravi de ce déplacement. Charles Quint est venu voir sa sœur Marie de Hongrie à Binche. Il a eu un jour de relâche le 22 août. Et que ce 22 août, il est venu chasser à Charnois, le petit village qui dominait la Sambre à l'époque. Un peu plus loin, Vauban défile au sein du groupe qui représente l'époque française, Vauban qui a fortifié Charleroi. En tant que lieutenant général des armées françaises, mais surtout en tant qu'architecte pour la construction des fortifications autour de la ville, parce que c'est principalement mon rôle. Des groupes de mineurs, de sidérurgistes sont également présents. Le public est ravi. Luc tenait à faire la fête malgré le drame social qui touche Caterpillar. C'est montrer que finalement, ça n'a pas de prix sur nous, qu'on s'en relèvera, quoi qu'il advienne. On reste debout, on reste digne, avec modération. Le cortège déambule dans les rues de Charleroi avant d'arriver sur les quais de Sambre à la Ville Basse pour faire la fête. Et la fête continue à Charleroi ce dimanche avec vers 15h un dernier rendez-vous pour terminer ce week-end anniversaire, un spectacle qui raconte l'histoire de Charleroi en chanson et en wallon. Et depuis vendredi, jour de l'annonce de la fermeture du site, beaucoup de questions se posent. La principale, c'est bien sûr pourquoi Caterpillar quitte le site de Gosselies et beaucoup de réponses circulent déjà pour augmenter les dividendes des actionnaires en tonton, parce que le site n'était pas assez productif, mais aussi parce que la Belgique a de sérieux handicaps pour attirer les grandes entreprises. C'est en tout cas l'avis de Bernard Delvaux, le patron de la Sonaca, entreprise bien connue de la région. Il nous en dresse la liste selon lui. Si on se place sur le plan simplement industriel et si on vise un jour ou l'autre à attirer un peu plus d'investissements industriels et donc d'emplois industriels, et en particulier pour des cols bleus, je crois qu'on doit vraiment travailler à la fois sur le coût du travail, qui est aujourd'hui en Belgique beaucoup trop important, et sur les coûts de l'énergie. On peut discuter aussi à un moment donné de la structure du marché du travail, en particulier de sa rigidité et des contraintes sociales et autres qui sont là, mais je pense que c'est plutôt du deuxième ordre. Ce qui compte au premier chef, c'est vraiment le coût du travail et le coût de l'énergie. Bernard Delvaux, le patron de la Sonaca, au micro de Lucie Dendoven. Et la suite de Caterpillar, c'est demain avec le début de la procédure Renault. À noter qu'à 11h45 ce dimanche, une émission spéciale sera consacrée à la fermeture de Caterpillar Gosselies sur la Une Télé. Caterpillar, le choc sera présenté par Sacha Daout avec Cédric Loriot. La parole sera donnée d'abord en premier lieu aux ouvriers. Et les politiques réagiront ensuite, notamment par la voix d'Eliane Tilleux, Pierre-Yves Jollet ou Raoul et de beau. Dans l'actualité internationale, on vote ce dimanche en Allemagne, dans le Land de Mecklembourg, le fief d'Angela Merkel. Jusqu'ici, la région a toujours été fidèle à son parti, la CDU, mais cette fois, la menace d'une défaite est bien là. C'est l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, qui fait de l'ombre à la CDU. L'AfD qui a pour ligne principale la lutte contre l'immigration. Les derniers sondages montrent que les deux partis sont au coude à coude. Une défaite serait un échec pour Angela Merkel, dont la popularité est déjà en baisse. Le sommet du G20 où se rencontrent les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète a commencé à Hangzhou, dans l'est de la Chine. Les déclarations des dirigeants en marche du sommet sont déjà nombreuses. On épinglera celle du président européen Donald Tusk. Il a prévenu que les capacités d'accueil des réfugiés en Europe étaient proches de leurs limites. Il a appelé les autres puissances du G20 à assumer leur part de responsabilité, ajoutant qu'un effort mondial était nécessaire pour avoir des résultats. En bref encore, et cette arrivée massive de réfugiés, eh bien, c'était le sujet du reportage en photojournalisme du grec Haris Messinis. Il s'est concentré en 2015 sur la venue des réfugiés sur l'île de Lesbos en Grèce. Et ces photos bouleversantes ont fait le tour du monde. Hier, il a remporté le Visa d'Or News du Festival international de photojournalisme pour l'image de Perpignan. Retour chez nous, atmosphère renaissance, retour au 18e, au 16e siècle à Lessines, dans le Hainaut, tout ce week-end et donc tout ce dimanche. La ville célèbre son traditionnel festin, des animations, des spectacles, des banquets qui nous plongent dans l'univers de l'époque. Et Isabelle Palmitessa s'est promenée pour nous dans les allées d'un marché d'artisans. Des fioles de parfums, du cuir, des épices, des boissons en vertus mystérieuses, la franche foire du festin de Lessines n'a rien du banal marché d'artisans. Cyril de Bannegon, par exemple, y façonne en direct le fer et l'étain. On pourrait le faire chez nous comme ça, pour notre passion, un peu comme les gens qui font des petits bateaux dans les bouteilles. Mais il y a un contact avec le public et une transmission du savoir qui est quand même assez sympathique et qui permet justement de nous pousser à aller un petit peu plus loin. Une belle dame se promène dans la rue, elle porte une magnifique robe en lourd velours rouge et le collier de la reine, car Nadine est la reine du tir à l'arc. On a recréé un groupe d'archers et voilà, donc ici on a fait le tir du roi et c'est moi qui suis reine, donc j'ai battu tous les hommes quoi. Avec 800 autres figurants, cette Lessinoise participera ce dimanche après-midi au cortège et à la procession. La ville se souvient ainsi de ce qui s'est passé il y a 438 ans. Fred Van Leu de la SBL des fêtes historiques du festin nous le raconte. Donc la ville en 1578 a été assiégée. Les Lessinois ne voulant pas se laisser faire, ont demandé à leur jeune lieutenant, Sébastien Tramazur, de défendre la ville. Et donc il est allé prendre les ennemis à revers, il les a mis en fuite en fait, voilà. Et à l'issue de la bataille, Sébastien est allé déposer son épée au pied de la Vierge pour la remercier. Et en fait, c'est ça qu'on commémore chaque année à la même époque. Un voyage dans le temps qui animera jusqu'à ce soir le cœur historique de Lessines. Autre événement qui a lieu tout ce week-end, mais à Namur cette fois, il s'agit du salon Valerian. C'est le plus grand salon bio de Wallonie. Avec 320 exposants, les organisateurs attendent plus de 20 000 visiteurs. Le thème de cette 32e édition, eh bien, c'est « Partageons notre bio local et de saison ». Monica Wachter. Je vous mets quelle sauce ? Mayonnaise, moutarde. Mayonnaise et moutarde pour accompagner un hamburger, mais pas n'importe lequel. André Grevis, du domaine Bio Valais, un producteur passionné de bio. On a un hamburger de 180 grammes de viande, hein, fait la différence. Moi, j'ai pour 2,10€ de viande dans mon hamburger, dans une friterie avec la meilleure qualité. C'est 120 grammes et ça leur coûte 30 centimes. On a toutes les crudités qui viennent de la maison et on le vend 7€. Et je pense que ça, c'est vraiment l'équitable, ça, c'est vraiment le local, ça, c'est vraiment de saison. Les visiteurs de Valérian sont des consommateurs avertis qui veulent en savoir plus. Le type de viande dans l'hamburger. Ah, le type de viande, c'est du Black Angus. Je ne sais pas si vous connaissez la race Angus Beef. Non. Bœuf écossais ou argentin. Ah oui. Nous autres, on a ici un élevage à Arlon, on a 300 têtes. Et notre activité principale, c'est la vente de colis de viande de bœuf directement aux particuliers. Et alors, on est en train de lancer une gamme de hamburgers. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire goûter aux clients potentiels. Et qu'est-ce que vous pensez de manger un hamburger qui vient directement du producteur ? L'avantage de savoir ce qu'on a dans l'assiette, dans l'hamburger, d'avoir une viande qui goûte réellement la viande. Qu'est-ce que vous pensez des producteurs qui vont jusqu'à préparer de la restauration ? Ah, ben c'est super. Hein. Et au moins, il n'y a pas d'intermédiaire dedans. Hein. Moi, je trouve ça super. Moi, j'aime bien d'acheter local. Voilà. Bon appétit. Valérian, c'est encore jusqu'à ce soir, dimanche, 19h à Namur Expo. C'est l'info sportive du week-end. Elle tombe une semaine après le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Stoffel Van Dorn sera pilote titulaire chez McLaren l'année prochaine. La nouvelle a été officialisée hier. Le Courtraisien remplacera Jenson Button au sein de l'équipe britannique. Le Belge épaulera l'expérimenté Fernando Alonso, deux fois champion du monde. Quel est l'objectif de Van Dorn l'an prochain? Voici sa réponse au micro de Gaëtan Vigneron. C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer l'année prochaine. Je pense, voilà, tout d'abord, on a vu que McLaren Honda a vraiment bien progressé durant cette année et demie avec la nouvelle partenaire entre McLaren et Honda. Et voilà, j'espère que ça va continuer l'année prochaine et qu'on pourra avoir des bons résultats. Interview réalisée à Monza en Italie où la Mercedes de Lewis Hamilton s'élancera en pole position aujourd'hui. Et départ du Grand Prix à 14h à suivre en télé sur la Une et sur le site sport de la RTBF. En tennis à l'US Open chez les messieurs, qualification pour les huitièmes de finale de Del Potro, Murray, Nishikori, Wawrinka cette nuit. Chez les dames, nouveau record pour Serena Williams. L'américaine a remporté son 307e match dans un tournoi du Grand Chelem et assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Qualification également de sa sœur Vénus ainsi que de Simona Halep et Danielska Radwanska. Et puis en basket, hier soir, les Belgian Lions ont battu la Suisse 72-87 dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2017. Les Lions affronteront l'Islande, l'autre leader du groupe, mercredi à la Lotto Arena d'Anvers. Merci de nous écouter. Excellente matinée à toutes et à tous. Toute l'info est sur rtbf.be. Et sur la première, bien, ce sont les Belges du bout du monde. On part direction Kinshasa, ambiance congolaise, avec Adrien Jovenouf. La première, 9h-10h, le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 31e saison de cette émission où se rencontrent chaque dimanche les Belges partis au bout du monde et ceux qui sont venus du bout du monde pour vivre ou survivre dans notre drôle de petit pays en radio. Comme dans un couple, il faut toujours innover hein, pour tenir la distance, pour ne pas lasser. Alors, à la rentrée dernière, souvenez-vous, nous avions des chroniqueurs qui arrivait passaient sur antenne. Catherine Tonero, Fiona Collien, Guylaine Kunda, Franceline Beretti, Maria Mallard. Et bien cette saison, ce sont les trophées des Belges du bout du monde qui débarquent. Je vous en parlerai dans un petit quart d'heure. Mais aujourd'hui, il sera aussi question du Kivu, du parc national des Virunga, du combat du siècle entre Ali et Foreman et d'élections reportées, puisque vous l'avez deviné, hein, nous allons prendre la direction du Congo. Nous allons chez un sage, à la fois vétérinaire, expert en coopération, photographe et écrivain. Bonjour Alain Huard. Oui, bonjour Adrien, bonjour à tous. Vous vivez sur place depuis les années 80 ? Oui, tout à fait, 82, première arrivée. C'était pas encore la RDC ? C'était le Zaïre à l'époque. Vous avez connu l'histoire mouvementée de l'Afrique centrale, toile de fond de vos romans. Kivu du paradis en enfer, c'était le premier, et puis vient de sortir cette année, Kivu l'espoir. Alors à 8000 km de vous, dans votre pays natal, nous accueillons Barly Barouti, Jumbo Barly. Jumbo Adrien. Artiste, peintre, musicien. Vous êtes un petit peu comme Alain Huard, un artiste polymorphe, dessinateur de BD aussi, né à Kisangani, dans ce qui était encore, je ne veux pas vous vieillir, mais c'est encore le Congo belge. Le Congo belge, oui, le Congo belge, voilà. À quelques mois près, je crois que dès que vous êtes né, vous avez poussé votre premier cri. Et puis après, en vrai, c'était l'indépendance, quoi. Il fallait que j'arrive. Oui. Alors, on dit souvent au Congo que la force du baobab réside dans ses racines. Vos racines familiales sont artistique, hein. Vous êtes né dans une famille de peintres ? Oui, absolument. Mon père était peintre, en tout cas, et mes frères et sœurs l'ont été aussi. Et mon père était aussi un peu musicien, quoi, il faut le dire. Je me suis aussi laissé dire que vous seriez le fils caché du docteur Livingstone. Eh ben ouais, l'enquête est en cours. C'est en tout cas le thème de votre roman graphique, Madame Livingstone. Nous en parlerons tout à l'heure. Et nous présenterons aussi votre dernier ouvrage, Chaos debout à Kinshasa, une BD que Catherine Tonero a dévorée. Bonjour Catherine. Bonjour Adrien, bonjour à tous. C'est un beau voyage. Hein. Un très chouette voyage qui mêle savamment les faits historiques avec une fiction, ça s'est lu, je l'ai lu en une traite, en une heure, vraiment chouette. Et ça vous a rappelé votre trip au Congo ? Effectivement, c'est en 2009 avec vous Adrien, si je ne m'abuse, pour l'opération un beau vélo pour le Congo, on était partis là une semaine, j'en garde de très forts souvenirs. Ah oui, une fois qu'on était au Congo, on s'en souvient toute sa vie. C'est clair. Jusqu'à son dernier souffle. Allez, jusqu'à 10h, les Belges du bout du monde, vous l'avez compris, sont au Congo. Les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur la première, Adrien Jovenot. Là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à aller. Nous retournons donc ce matin au Congo, un pays grand comme 77 ou 80 fois le nôtre. Hein. C'est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie, avec une superficie de 2 345 000 km². Le nord est un des plus grands domaines de forêt équatoriale au monde. L'est du pays borde la région des Grands Lacs. Le centre et le sud forment eux un haut plateau de savane arborée riche en minerais. La RDC dispose aussi d'une petite façade atlantique via le fleuve Congo, véritable colonne vertébrale du pays, deuxième fleuve au monde après l'Amazone. Avec plus de 85 millions d'habitants, le Congo est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique. C'est aussi le pays francophone le plus peuplé. Le français y est la langue officielle et parmi les quelques 200 langues parlées dans le pays, 4 ont le statut de langue nationale, le Kikongo, le Lingala, le Chiluba et le Swahili. On va demander d'ailleurs à notre invité en studio, celui qui est né là-bas à Kisangani, de saluer peut-être dans sa langue natale nos auditeurs qui nous écoutent à Kinshasa, sur RTBF Kin. Allez-y, Barly Barouti. Mbote na bino nyoso, tozali awepa na ndeko Adrien, tozo sala émission. Mbote vraiment na bino nyoso. Merci beaucoup. Votre parcours, j'aimerais le raconter en quelques mots, enfin que vous le racontiez, hein, vous le ferez mieux que moi. Qu'est-ce qui vous a amené l'un dans le pays de l'autre. On va commencer par vous, qui êtes le plus loin, Alain Huard. Vous êtes à Kinshasa depuis 1982, il y a eu plein de villes différentes au Congo, mais le point de départ, c'était Charleroi. Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas né au Congo, donc j'ai découvert ce pays après mes études, à 24 ans. Et donc, ça a été assez fulgurant, puisque je n'ai pas quitté, en fait. J'ai continué constamment à travailler dans ce pays. Et donc, j'ai un fil conducteur qui touche au développement agricole, au développement de l'élevage, à la protection de la forêt. Et c'est un pays d'immenses enjeux, donc... À chaque emploi, à chaque employeur, on découvre de nouveaux enjeux, on découvre de nouvelles dimensions. et on avance. Oui, on avance et on fait plein de trucs différents. Vous avez été prof du NIF, entre autres. Hein. Vous avez écrit des milliers de pages, mais vous avez remarqué que les thèses, celles que vous écriviez ou celles que vous supervisiez, n'étaient lues que par une poignée de sommités. Et alors, vous avez changé votre fusil d'épaule. Les éditeurs ne vont pas nous contredire, c'est un pays grand et compliqué. Alors, pour aborder une matière compliquée, il faut pouvoir transformer les choses dans la vie quotidienne. Il faut les transposer dans une vie en suivant des héros dans un roman qui donne envie de le lire, même si on est en vacances au bord de la plage. Et c'est ce que j'ai voulu faire. C'est un peu du Ken Follett à la congolaise, je trouve. C'est un roman historique. On voyage dans le temps, on voyage dans l'histoire. Je cite Colette Brackman qui préface votre ouvrage. « Serré, haletant, ce livre se lit d'une traite, bien plus vite qu'un rapport des Nations Unies. Et il se révèle bien plus efficace, car il contient toute la tragédie des Grands Lacs exprimée à travers la trajectoire de héros que le lecteur a bien du mal à quitter. » Et moi aussi, je suis resté accroché à ce livre « Kivu » paru aux éditions Weyrich. Barly Barouti, vous aussi, vous êtes écrivain, dessinateur. Qu'est-ce qui vous a amené en Belgique alors que vous aviez d'abord commis une BD sur la pisciculture dans votre pays natal, Aube Nouvelle à Maubeau, je ne me trompe pas? Mais oui, avec la coopération belge. Ce qui m'a ramené ici, c'est tout simplement la Belgique, c'est le pays de la BD. Et que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis né au Congo belge à l'époque. Donc quelque part, si l'on veut bien, je ne peux pas me départir de la Belgique en tout cas, quelque part. Oui. Est-ce que Tintin au Congo, pour vous, c'est une caricature ou c'est quelque chose à replacer dans le contexte historique et qui n'est pas méchant, qui n'est pas raciste, qui n'est pas... Tintin au Congo n'est pas raciste, mais il est paternaliste. Ouais. Voilà, mais c'était dans les temps, c'était ce qu'il devait avoir à ce moment-là, parce que si on regarde bien, Tintin en Amérique n'est pas mieux. Oui, c'est sûr. Je veux dire... Et chez les Incas, c'est pas mieux non plus. Alors, voilà. vous avez suivi, c'est marrant parce que c'est lui qui vous a débauché, Bob Demore, travaillait pour Hergé, qui est venu à Kinshasa dans les années 80, et vous l'avez rencontré dans un festival, et il vous a offert la possibilité de venir chez nous. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui, ça s'est passé comme ça. Donc, il a vu ce que j'avais fait, il trouvait que c'était intéressant, que ça mérité d'être encadré. Voilà, je me suis retrouvé au studio Hergé et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien parce que depuis, ma carrière s'est mise en route. Barly Barouti, retenez bien son nom, même si c'est votre nom d'artiste, votre nom de naissance, Barly, c'est... Je m'appelais Livingstone Alexis. Voilà, mais je m'appelais Livingstone Alexis, mon père s'appelait Livingstone David. Vous êtes le fils du docteur Livingstone, alors, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils. Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a des choses qu'il dit. Parce qu'après, quand Mobutu est arrivé, qu'il y avait plus, on ne devait plus faire allusion à des prénoms occidentaux, c'est comme ça que je suis devenu Barouti Kandolo Lilela. Ça ne tient pas dans une BD, donc je mets Barouti et Lilela, ça fait Barly. Oui, voilà. Oui, parce qu'il vous a obligé, comme d'ailleurs tous les Congolais, à zaïriser votre nom. Zaïrianiser, d'accord. C'est difficile à dire, mais c'est comme ça. Donc, c'était plus Livingstone, Alexis, mais Barly Barouti. On m'en reparle, évidemment, après avoir écouté un de vos coups de cœur. Vous m'avez dit, Adrien, ce qui me ferait plaisir dans cette émission, c'est d'écouter... L'Okwakaza. Vos désirs sont des ordres, Barly. Merci. Tota mami na pashulale. Pusiku inafika. Tota mami na pashulale. Tuniani maneno. Tota mami na pashulale. Tota mama, usiku inakuya, muzika weyo. Usiku inafika, lala we. Tota mami na pashulale. Tota mama we. Tuniani maneno. Tota mami na pashulale. Papa dunia. Mambo mingi mtota mama, mapendo njo mwiso, enyi Mungu alituomba di, yeah, yeah, yeah. Usiku inafika, yeah, yeah. Tota mami na pashulale, duniani maneno, tota mami na pashulale. Tota mama mlalai. Keshoni kesho aweye. Pusiku inafika. Mlalai. Tota mami na pashulale. Tuniani maneno. Yo yo yo yo. Tota mami na pashulale. Toto alawe. Niyari mambu woye, mambu diye Siku inafika, tota mami na pashulale Niyari maleno, tota mami na pashulale. Quel bijou, c'était l'artiste congolais Lokwa Kanza avec Mtoto. Qu'est-ce que ça raconte, Barlier? Qu'est-ce que ça veut dire Mtoto? Mtoto, ça veut dire enfant. Et comme vous le savez, là, il essaie de faire comme si c'était quelque chose pour endormir le bébé, quoi. Une berceuse. Ah, une berceuse. Ouais, d'ailleurs, nos auditeurs voilà. ont failli se rendormir, mais je suis voilà. content qu'ils soient encore à l'écoute des Belges du bout du monde ce dimanche matin. Certains ont la gueule de bois, mais merci d'être là. Barly Barouti, donc Congolais de Bruxelles, et Alain Huard, Belge du Congo, sont les invités des Belges du bout du monde ce matin sur la première. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités sur la page Facebook des Belges du bout du monde. Alors, Alain et Barly, vous qui êtes des créatifs, écoutez ce qui va suivre, devrait vous parler. Cette saison, les trophées des Belges du bout du monde, c'est la nouveauté de la rentrée, débarquent sur la première. Notre objectif est de mettre en lumière des hommes et des femmes qui font la renommée de la Belgique à l'étranger. Alors, bien souvent, ce sont des personnalités qui travaillent dans l'ombre, discrètement, ben comme vous, Alain Huard. C'est vrai, vous faites des tas de choses géniales, mais on ne parle pas souvent de vous dans les médias, pas assez. Concrètement, pendant ce mois de septembre 2016, les 600 000 Belges qui vivent dans le monde et qui nous écoutent sur Internet ce matin ou sur RTBF Kin vont trouver sur le site de la RTBF, www.rtbf.be/trophée des Belges, sur laquelle ils pourront s'inscrire en ligne dans une des cinq catégories. Culture, art de vivre, solidarité, économie et nouvelles technologies. Alors vous avez 4 semaines pour le faire, car le 1er octobre, 5 jurys de journalistes spécialisés sélectionneront 3 projets dans chaque catégorie. Et alors entre le 15 octobre et le 15 novembre, ces 15 projets seront présentés sur antenne dans notre émission et nos auditeurs, puis les internautes du monde entier, vont pouvoir voter pour leur projet préféré et lire donc les 5 projets lauréats 1 par catégorie, lauréats qui gagneront un billet d'avion pour venir rechercher leur prix. Si vous nous écoutez à Kinshasa, quand même, un billet d'avion aller-retour Kinshasa-Bruxelles, ça vaut quelques centaines d'euros, parfois plus d'un millier. Hein. Vous êtes témoin, Barly et Alain. Oui, oui, mais même en classe éco. Hein. Ainsi qu'un reportage télé sur leur projet qui sera diffusé dans une émission spéciale le dimanche 25 décembre sur La Une, en télévision. Ça, si ça vous parle, Alain Huard et Barly Barouti, vous pouvez postuler. Hein. On va essayer. Ouais, ouais. Je vous rappelle l'adresse rtbf.be/trophée des Belges. Elle a gagné le trophée de la Belge Odyssée. Je raconte pas de bêtises, Catherine. Ah non, pas du tout. C'est vrai, hein. C'est exactement ça. Oui, oui, une paire d'années. Hein. Félicité. Il y a déjà quelques années. Il était déjà roi ou il était toujours prince? Il était prince à l'époque. Le prince hein. Philippe, c'est pour vous situer dans le temps. Voilà. Alors, vous allez nous parler de cette histoire commune, une longue histoire commune, Catherine, entre le Congo et la Belgique. Oui, possession personnelle du roi Léopold II depuis 1885. Le Congo est cédé à la Belgique en 1908. L'administration belge va tout faire pour effacer l'image tyrannique d'un Léopold II qui a laissé ses hommes exploiter les populations. Une charte coloniale est publiée qui supprime notamment le travail forcé, mais n'empêche pas les scandales d'éclater. À l'époque, le développement des infrastructures et l'exploitation des minerais font du Congo une puissance économique qui va appuyer la Belgique pendant les 2 guerres mondiales. Jusqu'en 1958, le calme relatif règne dans la colonie belge en pleine expansion lorsqu'émerge un mouvement nationaliste qui réclame la libération du peuple congolais. Il est mené par celui qui deviendra un des pères de l'indépendance, Patrice Lumumba. L'agitation gagne vite toutes les couches de la population et de violentes émeutes éclatent à Léopoldville. À leur suite, le roi Baudouin proclame la volonté de la Belgique de conduire la population congolaise à l'indépendance. Ce sera chose faite en 1960. Mais le chaos ne tarde pas à s'installer dans la jeune république congolaise. Ouais. Oui, quelques jours après l'indépendance, de violents incidents éclatent et la Belgique doit évacuer ses ressortissants. La province du Katanga fait sécession. Profitant du désordre, le chef de l'armée, le colonel Mobutu, s'empare progressivement du pouvoir, définitivement avec un coup d'État en 1965. La capitale Léopoldville devient Kinshasa en 1966. Le pays est rebaptisé République du Zaïre en 1971. Mobutu entame une campagne d'authenticité, une série de mesures pour se détacher de tout ce qui pouvait rappeler la domination occidentale. Mobutu, qui restera 37 ans au pouvoir, il est renversé en 97 par les troupes de Laurent Désiré Kabila. Le pays est alors économiquement à bout, en conflit avec de nombreux voisins pour ses richesses et en pleine crise des Grands Lacs suite à la présence sur son territoire de plus d'un million de réfugiés rwandais, et certains impliqués dans le génocide de 94. Cette région des Kivu qui reste encore très instable aujourd'hui avec la présence de groupes armés étrangers et représente le principal défi sécuritaire du pays. On en revient à l'après Mobutu, l'ex-Zaïre est rebaptisé RDC, République démocratique du Congo. Et bientôt, le pays s'enfonce dans une nouvelle crise régionale qui voit deux mouvements rebelles prendre le contrôle d'une partie du territoire avec l'appui d'alliés extérieurs. En 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné par un de ses gardes du corps. Son fils Joseph est proclamé chef de l'État et appelle à des négociations de paix. Elles aboutiront en 2003. Un gouvernement de transition s'installe jusqu'à la tenue en 2006 des premières élections multipartites depuis l'indépendance. Élections remportées par Joseph Kabila. Il l'emportera aussi en 2011 face à Étienne Tshisekedi lors d'élections entachées d'irrégularités et marquées par plusieurs incidents. Les prochaines élections, elles, devaient avoir lieu d'ici la fin de l'année, selon la constitution congolaise, mais elles viennent d'être reportées, plongeant le processus électoral dans l'impasse. On y reviendra. Oui, chapeau Catherine, parce que résumer toute l'histoire du Congo, comme vous venez de le faire en 3 minutes, bel exercice. On peut dire que ce qu'elle a dit, c'est déjà terrible, vraiment, bravo. Oui, oui. Vous, il vous a fallu 660 pages dans le roman qu'il voulait te voir, Alain, mais c'est romancé, évidemment. Ce roman pose aussi la question du coltan, d'où viennent les minerais, ça c'est aussi d'actualité, présent dans nos smartphones. Qui en paye vraiment le prix, Alain ? Ben oui, d'autant plus qu'il y a des lois aux États-Unis et même en Europe qui sont en train d'essayer de légiférer l'origine des minerais, puisque personne n'a envie d'avoir dans son smartphone un morceau de coltan ou de l'étain qui a été ramassé par des enfants de 14 ans dans une mine inondée. Et donc, c'est extrêmement important que les législations permettent de clarifier tout cela. Et il y a au Congo des filières de minerais avec traçabilité maximale, où on sait exactement que les minerais ont été extraits de manière correcte, éthique et autres. Donc, c'est vraiment très important de parler de tout ça, parce que le Congo est aussi victime de guerre en raison de sa richesse. Oui, on parle de ressources naturelles. On parle du scandale géologique du Congo. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de guerre dans certains, comme le Sénégal, parce qu'il n'y a pas vraiment des enjeux miniers là-bas. Mais donc ici, c'est clairement les enjeux miniers qui sont derrière, en tout cas qui sont une motivation de tout ça. Et donc, s'il faut le comprendre, eh bien, il faut rentrer dans une histoire qui est assez complexe. Et donc, c'est ça qui a donné le soubassement du roman, c'est de dépeindre des personnages comme un enfant soldat, comme une jeune fille violée, qui sont des enfants du Congo d'aujourd'hui, même des héros du Congo d'aujourd'hui, mais de les dépeindre dans tout ça et de montrer comment est-ce qu'ils vont dépasser toutes ces difficultés. Et une histoire d'amour qui naît justement à Kisangani. Justin rencontre l'âme sœur, il va la sauver des griffes de l'ennemi dans la ville natale de Barly Barouti. Absolument. Barly, votre histoire est aussi celle de votre nom, parce que vous l'avez dit, vous vous appelez Barly Barouti, mais vous êtes né Livingstone Alexis, votre nom de famille. Le thème de votre roman graphique, superbe d'ailleurs, Madame Livingstone. Alors, il faut expliquer pourquoi c'est Madame Livingstone, parce qu'en fait c'est un homme, voilà. Mais comme Stanley portait le kilt écossais. Voilà, absolument. Donc, Madame Livingstone vient du fait tout simplement que le fils, le prétendu fils de Livingstone qu'on a retrouvé 45 ans plus tard s'est dit, voilà, je suis le fils de Livingstone, mais personne ne voulait les croire. Et pour qu'on arrive à les croire, il est allé dans la colonie britannique en Ouganda. Il a chipé un casier de bière belge. Il est allé l'échanger contre un kilt. Et quand il est revenu avec les kilts, pour montrer bien qu'il était donc le fils de Livingstone, On l'appelait alors Madame. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé Madame Livingstone. Oui, oui, c'est une belle histoire. Votre dernière histoire, votre dernière BD s'appelle Chaos debout à Kinshasa. Alors le terme Chaos, déjà Catherine Tonnerreau, il est bien choisi parce que ça s'écrit Chaos, C-H-A-O-S, mais ça pourrait être K.O. point parce qu'il est question de boxe. Oui, tout à fait. Il est question de ce fameux match de boxe qui a eu lieu entre Mohamed Ali et George Foreman. En 1974. D'ailleurs, ouais. On va se souvenir, Barly, parce que vous étiez tout jeune à l'époque. Vous étiez encore au Congo ? J'étais au Congo, j'étais à Kisangani. Oui, oui. Donc vous avez entendu parler de ce match. Ah oui, bien sûr. Écoutez cet archive qui va vous rafraîchir la mémoire. Ali, champion du monde, le poids lourd, Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye. Because it will be before my brothers, who I haven't seen for 400 years, I will be able to let them see me. And I want to give them my best performance. Je vais entre 400 ans depuis que j'ai pas vu mes frères africains. Ce sera le spectacle le plus grandiose du monde que je leur offrirai. Le spectacle le plus grandiose du monde. Il avait un grand égo, Mohamed Ali, mais c'est aussi parce qu'il était considéré comme le messie, non ? Mais il faut dire aussi que c'était sa stratégie, hein, ouais. C'était son arme fatale. C'est avec ça qu'il arrivait à terrasser les gens ou à les énerver, et il avait toujours les déçus, presque. Oui. Qu'est-ce qui vous a étonné dans cette BD, Catherine Tonnerreau, scénarisée d'ailleurs par votre ex-prof en journalisme ? Tout à fait, Thierry Belfoy. J'ai lu ça parallèlement à ma préparation de la présentation du pays, et ça m'a vraiment éclairé sur certaines choses. Au-delà de événement, bon moi je ne connaissais pas cet événement, j'étais pas née hein, du match en tant que tel. Pas mal de choses sur l'ère Mobutu, hein, j'ai retenu parce que je ne connaissais pas. L'abacoste par exemple, dont il est question. Ouais, ouais. Voilà, dans cette BD, un abal costume occidental, littéralement, donc la tenue officielle zaïroise qui était imposée à l'époque par Mobutu. Tout ça recontextualise pas mal les choses. On va continuer à voyager avec vous, avec les Belges du bout du monde, et dans quelques instants, on va vous dresser le portrait du prince Emmanuel de Mérode, qui vit, lui, dans l'est du Congo, au cœur du parc national des Virunga. Dans une poignée de minutes sur la première. A tout de suite. Ça se passe sur la première. Vous aimez lire et aimeriez donner un coup de pouce à un jeune auteur ? Faites partie du jury du prix Première 2017. Pour vous inscrire, rendez-vous sur lapremière.be. Ou envoyez-nous votre candidature et lettre de motivation avant le 11 novembre. À la RTBF, prix Première, boîte BRR 020 52 boulevard ER 5044 Bruxelles. Ou par courriel à prixpremière@rtbf.be. Avec la foire du livre de Bruxelles. La danse contemporaine s'invite au Grand Ornu. Au cœur de l'exposition My Body is a Cage, les danseurs de la compagnie Zoo Thomas Howard interpréteront en dialogue avec les œuvres des duos créés par le chorégraphe pour le Max. À vivre les dimanches 11, 18 et 25 septembre. En collaboration avec Charleroi Danse. Info max.be. Moi, le dimanche, les courses, c'est chez Daily Traiteur. Et vous, vous faites comment ? Votre Daily Traiteur est ouvert jusqu'à 22h, 365 jours par an. Daily Traiteur, flagrant délit de plaisir. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti ! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jeanine ? Ouais ? C'est toi qui as débranché la prise du manège ? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. La DH présente en exclusivité La Maison de Mickey. Une collection de livres richement illustrés pour découvrir les chiffres, les lettres et de nombreuses activités pour apprendre en s'amusant. Avec à chaque numéro un DVD de 2 épisodes. Grâce à la DH, apprendre devient un jeu d'enfant avec Mickey et ses amis. Le numéro 1, 1,99€ seulement, en vente en librairie. La première présente le 10e Festival Jazz à Verviers. Concert exceptionnel de José Van Damme avec le Trio Gardel, le Big Band de la WDR, Victor Laszlo, David Lings, Akamoun, Bill Mireille Lagrène, Grégory Houben, de nombreux artistes québécois, un concert repas de Jean-Pierre Froidebise et beaucoup d'autres. Du 9 septembre au 4 novembre, jazzaverviers.be avec la Loterie Nationale, la province de Liège Culture et la ville de Verviers. L'homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller de l'autre côté de la colline, disait Jacques Brel. Brel qui a donné son nom à la salle au centre culturel de Kinshasa, Barli Barotti. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est là-bas. Absolument, c'était là-bas. J'étais vraiment au bout du monde. Oui. Et voilà, vous m'avez demandé de faire quelque chose et j'ai chanté Brel, Les Bonbons. Hein. Les Bonbons de Brel, c'est Barli Barotti sur la première. Il est en duplex avec Alain Huard, notre invité pour cette émission spéciale au Congo, les Belges du bout du monde, jusqu'à 10h sur la première. Vous aussi, vous êtes Belge du bout du monde ? Rejoignez-nous sur notre page Facebook et sur lapremière.be. Lapremière.be. Alors une nouveauté cette saison, c'est un portrait radiophonique signé Loïc Péchard. Il est consacré aujourd'hui à une personnalité belge vivant en République démocratique du Congo. Il est installé au Kivu, même s'il bouge beaucoup. Prince Emmanuel de Mérode, surnommé Tintin en Afrique. Né à Carthage en 1970, cet anthropologue belge formé à Londres a grandi au Kenya et son pays d'adoption est le Congo. Il est charismatique et en même temps accessible. Son petit accent british fait tout son charme. Je vous remercie. Je pense que c'est excessivement généreux. Je n'ai pas l'habitude. Bien qu'il ait un titre de prince, les soirées mondaines, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est plutôt du genre aventurier. Depuis 2008, il dirige le parc national congolais de Virunga, une superficie de 7900 km². Le parc national de Virunga contribue au développement de notre pays. A region famous for its endangered mountain gorillas. C'est ça ma vie. Ils ont l'amour. Le parc national de Virunga, c'est la vie de la communauté. C'est dans cette entité là où vous pouvez encore trouver les gorilles des montagnes. Ce parc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a été fondé sous le règne d'Albert Ier. Ces deux disparitions firent du prince Albert l'héritier de la couronne. Il se situe à l'est de la République démocratique du Congo et est au nord du Kivu. Ce joyau est l'un des plus beaux parcs d'Afrique. Il regorge d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Des espèces les plus rares y vivent actuellement. Malgré les 400 gardes présents nuit et jour, le prince de Mérode et son équipe risquent leur vie pour protéger ce parc. Son statut de colonel de l'armée nationale du Congo lui permet de se munir d'armes. Ce qui n'est pas du luxe quand on sait qu'il a subi une attaque armée en 2014. Les menaces sont diverses et omniprésentes. Une compagnie pétrolière veut y extraire les richesses souterraines. Les braconniers sont à l'affût et la production de charbon de bois conduit à la déforestation du parc. Dans cette province la plus affectée par la guerre, il y a entre 5 et 8 000 hommes qui font partie des groupes armés, des milices qui créent la guerre. Si on arrive à créer entre 80 et 100 000 emplois, il y a la possibilité d'absorber une grande partie de ces jeunes hommes dans des activités qui sont productives. I have a dream that one day... Pour le prince, l'avenir serait de générer des bénéfices économiques pour les populations avoisinantes. Le tourisme est l'élément à développer quand la sécurité sera totalement assurée. Le film Virunga, réalisé par Orlando von Einsiedel et coproduit par Leonardo DiCaprio, retrace le combat effréné d'Emmanuel. Pourtant, notre souhait est que ce parc reste immortel. Chapeau à Paul Michel, notre réalisateur, pour ce petit bijou ciselé avec Loïc Péchard, l'histoire du prince Emmanuel de Mérode, que vous citez dans votre livre, Alain Huard. Vous le connaissez ? Oui, tout à fait. On se côtoie très régulièrement. Lui travaille sur les parcs et moi, je travaille sur la périphérie des parcs. Enfin, on travaille aussi ensemble là-dessus. Comment est-ce qu'on peut établir une économie durable, où les gens trouvent de l'emploi, où les gens trouvent de quoi produire des richesses, produire de la valeur ajoutée, se sédentariser et donc développer ces régions en gardant le joyau du parc intact. C'est ça l'enjeu, un des grands enjeux du pays aujourd'hui. Un enjeu dangereux, sa vie a été mise en danger. Vous-même, Barly, Alain, sans devoir aller fouiller dans des souvenirs peut-être douloureux, j'imagine que vous avez parfois été inquiété aussi. Bah, il faut être très attentif. Hein. Bon, moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt à Brazzaville que j'ai eu un jour la voiture mitraillée avec mes enfants dedans. Mais voilà, on doit être très attentif pour éviter ce genre de situation. Allez, on va continuer à s'intéresser au pays, en faisant maintenant un petit détour sur sa situation économique, Catherine Tonnerreau. Oui, l'économie congolaise est essentiellement agricole ou tournée vers l'exportation grâce à l'exploitation minière. Cuivre, uranium, coltan, zinc, diamant, caoutchouc et j'en passe, le pays jouit d'énormes ressources. Sa croissance est directement liée au prix des matières premières. Malheureusement, la mauvaise gestion et la corruption endémique ne lui permettent pas d'en tirer le meilleur parti. Quant au tourisme, il a été ruiné par les guerres civiles. Et malgré la présence de sites exceptionnels, hein, dont le parc des Virunga, on en a parlé, le plus vieux parc national africain, classé, je le précise, patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut dire encore que malgré une amélioration de son indice de développement humain, la RDC reste parmi les pays les plus pauvres au monde, dépendant de l'aide internationale. Les disparités régionales y sont très marquées. Les différents conflits, notamment à l'est du pays, ont eu des effets dévastateurs sur les populations, les femmes et les enfants en particulier restent les groupes les plus exposés à la malnutrition. Oui, et combattre justement l'insécurité alimentaire sur place, c'est une de vos priorités en tant qu'expert de la coopération, Alain Huard. Oui, tout à fait. C'est vraiment la priorité. Et à ce titre, il faut dire qu'avec la guerre, on a amené ce qu'on appelle l'aide humanitaire, qui est distribuée massivement par les pays du Nord, on va dire, de manière générale. Et cette aide humanitaire, à cause de la situation d'insécurité, elle dure depuis une vingtaine d'années. Et vous comprendrez qu'avec l'aide humanitaire, on ne développe pas un pays. Il faut pouvoir... On le maintient sous perfusion. C'est ça. Donc, je crois que ça fait déjà une dizaine d'années que les ministres de la coopération en Belgique et autres disent qu'il faut passer à une phase beaucoup plus économique et il faut laisser de côté. Bien sûr, l'aide humanitaire pour les gens qui sont déplacés et autres, on doit la garder, mais il faut pas que ce soit une généralité. Il faut vraiment amener une coopération structurelle qui vise à appuyer, par exemple, les paysans à intensifier leur agriculture, à se sédentariser, à gagner mieux leur vie. Il faut aller vers des choses durables. Et même le concept de sécurité alimentaire, quelque part, il se raccroche souvent à la locomotive de l'aide humanitaire. Donc il faut pouvoir oser faire les choses autrement. Vous dénoncez cette mascarade hein, de l'aide humanitaire dans votre livre. Vous sentez cette dynamique, Barly Barouti, vous qui faites de fréquents allers-retours entre le Congo, votre pays natal, et la Belgique, votre pays d'adoption? Oui, moi je suis toujours un peu sidéré quand on me parle d'un pays pauvre, parce que je crois que nous sommes un pays peut-être riche en pauvres, et riche aussi par la richesse qu'elle a. Et qui est mal distribuée. Qui est mal distribuée, moi je crois que c'est un problème de conscience. Nous avons besoin de dirigeants conscients. Oui. Voilà. Barly, comme Alain, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Est-ce que ce morceau vous dit quelque chose ? Vous reconnaissez ça, Barly ? Absolument, oui. C'est le Barouti Trio ? Barouti Trio à 4 avec Sylvie Namasadio qui était dans les Apmama, Coco Malabar et voilà, c'était une bonne expérience. On en écoute un petit peu, ça va nous faire du bien ce dimanche matin. Okay. Bye. Barli Baruti, bien entouré avec ce morceau. Ndougou Yangou, ça veut dire quoi? Mon frère. Ah, mon frère, très bien. On apprend plein de choses avec vous. Mais justement, cette chanson, c'est intéressant parce que ça dit, mon frère, tu as travaillé pour ton pays et les jours où tu as demandé à ce que tu sois payé pour le travail que tu as fait, on t'a battu, tu es mort pour ça. Et depuis, ouais, je n'arrive plus à dormir. C'est voilà, beau, c'est beau. Et ça me fait penser à un autre proverbe congolais qui dit, on n'interdit pas de boire à celui qui a creusé le puits. C'est vrai, c'est ça aussi la coopération, c'est redonner le droit à celui qui a cultivé sa terre. Voilà. Vous avez aussi joué avec Kate Janine. Ah oui, avec Kate Janine, avec Philippe Catherine, oui. Ouais, ouais. Belle carrière. Et vous faites de la bande dessinée, des fresques qu'on voit un peu partout au Matongé, mais aussi dans le métro, à Malbec, mm-hmm, on en reparlera dans quelques instants. Après avoir écouté Down, c'est une nouveauté sur la première. L'artiste s'appelle Petite Noire, c'est un musicien belgo-congolais, créateur d'un afrobeat matiné de New Wave. Tendez l'oreille, ça réveille. C'était Petite Noire sur la première, née à Bruxelles, d'un père congolais et d'une mère angolaise, avant d'être élevée en Afrique du Sud et de faire carrière à Londres. Voilà un artiste qui fait son petit bonhomme de chemin, comme nos invités ce matin, Barli Baruti, peintre et musicien congolais qui vit à Bruxelles, et Alain Huard, vétérinaire et écrivain belge qui vit à Kinshasa. Les Belges du bout du monde sur la première, Adrien Jouvenot. Les Belges du bout du monde entre deux Matongé aujourd'hui, parce que vous allez, j'imagine, parfois le samedi soir. Alain, dites-nous, oui, franchement, on est entre nous. Vous allez parfois boire un verre au Matongé à Kinshasa quand même. Ah oui, il y a des jours d'ambiance qu'il ne faut pas rater. Bah oui, c'est sûr, la vie est courte, il faut en profiter quand même un petit peu. Et vous aussi, Barli, vous avez, j'ai vu dans un café, je ne veux pas vous dénoncer, hein, mais dans un café du Matongé à Bruxelles, oui, des fresques chez Jackie à la Mandibule, j'ai vu votre dessin. Absolument, mais il faut toujours marquer, hein, quelque part. Il faut marquer son territoire. territoire. Absolument. Très bien. Alors, c'est important de faire, cela dit, des fresques, de l'art dans les cafés. Une galerie d'art, c'est réservé aux privilégiés, aux élites. Mais l'art, il doit être dans la rue, il doit être dans les cafés, non ? Absolument. Il faut dire aussi qu'en 2002, j'ai fait ce qu'on appelait les safaris BD. Donc, j'ai mis des planches des dessinateurs africains et des dessinateurs belges qui travaillent pour l'Afrique, sur l'Afrique en tout cas, et on a mis ça dans des cafés. Et les gens ont fait ces parcours-là. C'était vraiment extraordinaire. Ouais, puis c'est une façon aussi de jeter des ponts entre les cultures. Absolument. Parce que vous, le racisme, c'est un truc que vous abhorrez, hein, vraiment. Vous détestez, vous dénoncez. Et justement, vos BD permettent une certaine tolérance. Elles ouvrent l'esprit. Ben, on est là. On est, comme on dit, on est peut-être au bout du monde, mais on est dans le monde, dans le même monde. Quoi. Bien sûr. Les deux Matongué reliés ce matin sur la première. Barly Barouti, vous serez ce week-end à Bruxelles. Vous bougez pas. Et tout à l'heure, on pourra vous voir à la 7e fête de la BD. Ça se tient où, Catherine Tenero ? Ça se tient dans le parc de Bruxelles, hein, le parc royal. C'est la dernière journée, il faut y aller. Et l'an dernier, plus de 100 000 personnes sont venues. Vous allez devoir dédicacer. Ah oui, je vais dédicacer. Donc, je vais dédicacer tous mes albums, mais entre autres les plus frais. C'est K.O. Debout à Kinshasa avec Thierry Belfroy, mais aussi Madame Livingstone. Alain Huard, vous avez sillonné le Congo dans tous les sens. Vous avez aussi publié un livre qui s'appelle Congo, pays magnifique. Alors justement, parce qu'on parle toujours du Congo au Kivu, c'est vrai que ça va très mal là-bas. On pense beaucoup d'ailleurs à toute la population congolaise qui souffre. Mais il y a des endroits magnifiques. Quels sont ceux que vous voulez mettre en avant ? Bah, écoutez, celui qui va débarquer à Kinshasa, il pourra faire un trajet sur le Congo central, oui. Donc jusqu'à la mer, puisque Mwanda est une station balnéaire bien située sur l'océan Atlantique. Vers Matadi alors. Voilà, ouais. Matadi, en passant par Matadi Boma, des villes mythiques. Tout le bas Congo. Tout à fait. Oui, que vous avez parcouru d'ailleurs, Catherine Tenero, à vélo. C'est vrai, exactement, en vélo. Moi, j'étais super impressionnée par ces paysages de savane verdoyante, en fait. Toutes ces strates au loin, c'était Et pour l'instant, incroyable. Les champs de canne à sucre qu'on brûle le soir, ça fait des lumières. Incroyable, ce sont des moments étonnants, Alain. Oui, non, un voyage au Congo, c'est toujours inoubliable parce que c'est pas ce qui se passe ailleurs. Donc, si vous arrivez à Kisangani ou à Lubumbashi, vous avez énormément de choses aussi à découvrir. Donc, oui, c'est un pays touristique en devenir, c'est certain. J'aime le Congo. Congo Nakupenda. Ah, Nakupenda Malaika. Alain Huard, le Congo, c'est aussi un poumon, la planète, un des plus importants. C'est un puits de carbone. Ah oui, c'est la deuxième forêt après l'Amazonie. Donc, c'est ce qui fait que cette forêt devient extrêmement importante. Le réservoir de biodiversité qui est absolument irremplaçable avec des ressources dont on aura besoin dans les siècles prochains. Et donc, c'est extrêmement important dans ce pays où il y a encore beaucoup d'espace, de valoriser l'espace de savane, par exemple, sédentariser la population, mais en même temps, préserver cette forêt avec ses patrimoines naturels, avec sa biodiversité. C'est vraiment un enjeu mondial aujourd'hui. Et quelque part, derrière le carbone, se cache toujours la biodiversité. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Cette fin d'année 2016, Catherine Tenero, sera une année de multiples défis en République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'avait annoncé le président à l'occasion de la nouvelle année. C'est pas peu dire, hein. Le premier défi le concerne d'ailleurs directement, puisque Joseph Kabila, en fin de mandat, doit quitter le pouvoir fin 2016 avec l'organisation d'élections actuellement dans l'impasse. La commission électorale vient d'annoncer que le scrutin ne pourrait pas avoir lieu avant 2017, en raison notamment du retard pris dans l'enregistrement de nouveaux électeurs. L'opposition crie au scandale. Beaucoup y voient évidemment un prétexte qui permet à Kabila de se maintenir au pouvoir et qui éloigne la perspective d'élections crédibles et apaisées dont le pays a bien besoin. Les autres défis ne manque pas. La situation sécuritaire dans l'est du pays reste sensible et à l'origine d'importants déplacements de population fragilisée. Environ 8 Congolais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté dans un pays immensément riche en ressources naturelles. On l'a vu, c'est le grand paradoxe de la RDC qui peut nourrir de grands espoirs. Le Congo qui ambitionne de devenir un pays émergent en 2030 et développé d'ici 2050. C'est tout ce qu'on souhaite à votre pays natal, Barly Barouti. Absolument. Est-ce que absolument. Vous retournez régulièrement arroser vos racines ? Ah oui, je vais souvent. J'y serai d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'y serai chez Alain, dans son espace Milembo, c'est ça ? Parce qu'il y aura la fête du livre. Oui, je suis invité par l'Institut français et ce sera l'occasion d'aller dédicacer aussi mes albums là-bas. Alors lisez, mesdames et messieurs. Il paraît que lire une demi-heure par jour augmente notre espérance de vie de 2 ans. Ça fait du bien de lâcher prise, de voyager dans l'imaginaire. Je vous recommande, moi, le livre d'Alain Huard qui s'appelle Kivu. Ça se lit vraiment, c'est haletant, c'est un roman. On s'attache aux personnages, on voyage avec eux dans le temps, dans l'espace. Kivu, l'espoir. Et alors la BD, évidemment, moi je dirais plutôt le roman graphique.

malgré cette nuit de la foi, est-ce que c'est ce qui la rend encore plus admirable à mes yeux. 100 000 fidèles au bas mot sont attendus place Saint-Pierre ce matin pour entendre le pape François prononcer la formule de canonisation. Et chez nous, Charleroi est en fête tout ce week-end pour son 350e anniversaire. Malgré la fermeture annoncée de Caterpillar, les Carolos y participent en nombre. Cet après-midi vers 15h, les festivités se clôtureront par un spectacle racontant l'histoire de Charleroi en chanson et en wallon. Pour ce qui est de la clôture par contre du site de Gosselies, ça s'annonce moins facile. Une assemblée générale est prévue demain. Des actions pourraient déjà y être décidées. La procédure Renault sera aussi officiellement lancée. Sachez que la Une en télé consacre ce matin une émission spéciale sur la situation chez Caterpillar avec des travailleurs et aussi des réactions politiques. Ce sera à 11h45. C'est le plus grand salon bio de Wallonie, le salon Valériane. Il se tient tout ce week-end à Namur. 320 exposants soigneusement sélectionnés participent à cette déjà 32e édition. Les organisateurs attendent plus de 20 000 visiteurs en 3 jours. Thème cette année, partageons notre bio local et de saison. Monica Wachter a testé pour nous. Elle a demandé à Joël Lambert de la coopérative Bio de SB s'il pensait que le consommateur est prêt aujourd'hui à ne manger que les fruits et légumes de saison et de chez nous. Vous allez l'entendre, les avis sont variés. C'est le consommateur à être sensibilisé et dire, voilà, moi je veux manger du local et de saison. Donc si par exemple, dans des magasins bio, on vend des produits, je vais dire, qui sont issus de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud, etc. Donc si le consommateur entre dans un magasin et qu'il voit des pommes, je vais dire, de Nouvelle-Zélande, il n'est pas obligé de les acheter. Il peut attendre la vraie saison. Et la saison, c'est quoi ici en Belgique? Ben, ça démarre, je vais dire, au mois d'août avec la pomme, mais il achète des pommes à ce moment-là. C'est facile de manger de saison ou parfois c'est compliqué? Non, enfin moi j'ai pas de difficulté. On a aussi un potager, donc nous on mange beaucoup aussi nos légumes du jardin. Je pense qu'il suffit de s'adapter et puis de découvrir des nouvelles recettes. Ben, c'est peut-être un peu compliqué quand on mange beaucoup de fruits. Et donc vous vous êtes privé de pommes? Je ne vais pas mentir, je ne me suis pas tout à fait privé de pommes. J'essaye de ne pas en manger trop, en manger moins en tout cas. Pendant l'été, il n'y avait pas de pommes? C'est pas la saison des pommes, mais bon, on essaye de chercher autre chose. Mais pas des pommes qui viennent d'ailleurs? Ah non, j'achète pas des pommes qui viennent d'ailleurs, ça c'est sûr. Je viens d'en manger une petite la semaine passée. Je ne sais pas d'où elle venait, c'est vrai, en plus, oui. En fait, j'essaye au maximum quand même de faire attention. Et si goûter à la pomme vous tente, le salon Valériane, sachez-le, c'est encore jusqu'à ce soir 19h à Namur Expo. En sport, Formule 1, la bonne nouvelle a été confirmée hier après-midi. Stoffel Vandoorne deviendra pilote titulaire chez McLaren la saison prochaine. Le Belge, toujours pilote test et réserve cette année, épaulera Fernando Alonso, profitant de l'année sabbatique de Jenson Button. Une situation un peu particulière, car le Britannique ne quitte pas vraiment l'écurie. Il va se concentrer sur le développement de l'équipe et de la voiture. Gaëtan Vigneron a demandé à Stoffel Vandoorne si cette situation, du coup, n'allait pas créer un petit peu de confusion au sein de l'équipe. Non, on ne le voit pas comme ça, vraiment. Je pense qu'on a une super équipe pour l'année prochaine avec Jenson qui reste. Tu vois, généralement quand les pilotes ils quittent la F1, on perd vraiment toute cette expérience et Jenson qui reste avec nous, c'est quelque chose de très bien pour le développement de la voiture. Il sera beaucoup dans le simulateur, il travaillera encore avec l'équipe et voilà, c'est très bien d'avoir cette expérience avec nous. Et aujourd'hui, c'est à 14h que démarre le Grand Prix d'Italie, Lewis Hamilton en pole position. La course est à suivre en télé sur la Une et sur le site sport de la RTBF. En tennis à l'US Open, qualification cette nuit de Del Potro, Murray, Nishikori et Wawrinka. Chez les dames, les deux sœurs Williams sont également passées, avec un nouveau record par la même occasion pour Serena. La cadette a remporté son 307e match dans un tournoi du Grand Chelem. Notons aussi les qualifications de Simona Halep et d'Agnieszka Radwanska pour les 8e de finale. Enfin, tout dernier entraînement des Diables Rouges ce matin avant le décollage pour Chypre cet après-midi, où ils disputeront mardi leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Toute l'info est sur rtbf.be. Nous, on ne va pas décoller, on va se contenter de décoder. Pas c'est besoin risqué, d'entraînement hein, pour nous. Bon, avec vous à la barre, Alain, on fait confiance. Hein. Merci beaucoup Nathalie, prochaines infos à 11h. Et beau dimanche. La première. 10h, 11h, le dimanche. Les décodeurs RTBF. Avec Alain Gerlache. Bonjour à tous. Quelques mots en anglais et des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi. La non-communication est-elle devenue la norme des entreprises comme Caterpillar aujourd'hui? Les responsables politiques, eux, prêchent l'union sacrée. Est-ce davantage qu'une façon de sauver la face? La presse francophone continue son déclin. N'est-il pas temps de changer de modèle ? La plateforme Articli propose l'achat à l'unité d'articles venus de différentes publications. Des pubs ciblées à la télévision comme sur Internet, eh bien c'est peut-être pour bientôt, c'est ce que nous expliquera Frédéric Brébant. Il faut développer le numérique à l'école, les intentions sont louables, mais quels sont les résultats concrets ? Vous écoutez Les Décodeurs, le magazine qui prend le temps de décrypter l'actualité du web, des médias et de la communication. 10h-11h, Les Décodeurs RTBF sur la première. Et vous pouvez bien sûr aussi nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clé LDC-RTBF. La nouvelle de la fermeture de l'usine Caterpillar à Gosselies a frappé par son ampleur et sa soudaineté, mais aussi par la brutalité de son annonce, une double peine pour les travailleurs. Ce jour fera date dans l'histoire industrielle de Charleroi et même du pays. Les travailleurs de Caterpillar à Gosselies craignaient le pire, une fermeture de l'usine, et on vient d'apprendre que c'est le cas. Ils en ont rien à foutre des gens de priori, on n'est rien pour eux. Ils nous connaissent seulement, c'est par un numéro de badge. Ils savent pas comment est-ce qu'on s'appelle. Ils savent pas. Le coût de la fermeture, le coût du plan social. Au premier jour de l'annonce de la fermeture, je ne veux pas partager cette information. Je suis en colère et je pense évidemment à ces familles, à ces 2000 travailleurs du site de Caterpillar. C'est un drame social d'abord pour un très grand nombre de familles, et il faudra voir s'il y a des possibilités d'ouvrir une discussion avec l'entreprise. C'est une catastrophe en plus. Une date relativement symbolique, puisque c'est celle de 350e anniversaire de Charleroi, cité industrielle. Donc je pense que vraiment le capital n'a aucune valeur, même ces dates-là, il les écrase. Pourquoi cette communication sèche et sans aucune empathie ? Eh bien, nous en parlerons avec notre premier invité, Emmanuel Goodsales. Vous êtes partenaire à l'agence White, spécialisée notamment dans la communication des entreprises, et vous enseignez aussi à l'UCL. Avec nous également Éric Biérin, expert en communication politique, et au téléphone Christian Carpentier, chef d'édition à Sud Presse. Avec vous, c'est l'attitude des responsables politiques face à ce drame que nous allons décoder. Bonjour à tous. Bonjour. Et d'abord, donc, cette question face à ce qu'on peut appeler un simulacre de communication, hein, un conseil d'entreprise ou une personne venue des États-Unis que personne ne connaît ou presque, lit un texte en anglais, c'est traduit par un interprète et puis voilà, c'est fini. Et ce n'est que plus tard, pas à l'usine, mais au fameux motel de Nivelles, que quelques explications sont données aux médias. Comment est-ce que vous analysez cette attitude, cette communication de l'entreprise Emmanuel Goodsales ? En fait, il faut faire une distinction entre le contenu de l'annonce et l'annonce elle-même. Le contenu de l'annonce est brutal, effectivement, quand une entreprise annonce son intention de fermer. C'est une annonce brutale. Après, on est malheureusement dans une procédure dite Renault. Il y a beaucoup de contraintes de communication. La première contrainte de communication, c'est une certaine forme d'hypocrisie de dire effectivement que c'est un projet intentionnel et qu'on va en discuter avec les représentants. C'est clair qu'effectivement, lorsqu'une entreprise annonce cette intention, c'était bien réfléchi. C'est très très rare qu'elle change d'avis. Mais alors, justement, la procédure Renault, hein, pour expliquer ce que c'est quelque chose qui a été décidé après la fermeture de Renault-Vilvoorde, où, on s'en souvient, en tout cas ceux qui ont connu cette époque, ce qui avait marqué, c'était justement aussi la soudaineté et la brutalité de l'annonce. Et on a dit, on va changer ça, on va faire autrement pour que ce soit davantage humain. Et finalement, on n'y est pas. Alors, ce n'était pas tout à fait le côté humain. Ce qui s'est passé, c'est en 97, quand le groupe Renault a annoncé la fermeture, la décision de fermer Renault-Vilvoorde. C'était une décision. Ils en ont informé le ministre-président de la région flamande à l'époque, M. Van den Braan, si mes souvenirs sont bons. Et effectivement, M. Van den Braan en a parlé à la presse. Et ce qui a découlé de cette opération de Renault, ça ne peut plus être une décision, il faut pouvoir consulter avec les travailleurs. Deux, primauté au personnel, au conseil d'entreprise. Et donc, c'est aujourd'hui la modalité Renault, c'est celle-là. C'est pas de la rendre plus humaine, c'est de dire, quoi qu'il arrive, c'est le personnel qui est le premier informé, donc d'où cette annonce en conseil d'administration. Ça a été le cas. Et voilà. Et deux, c'est un projet intentionnel. Mais est-ce qu'il n'y avait quand même pas moyen de rendre cela un peu différent quand même, parce que c'est vrai que lorsqu'on a entendu les réactions des travailleurs, évidemment qu'ils étaient choqués par l'annonce de la fermeture de leur usine, mais la manière n'avait rien arrangé. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement que quelqu'un qui vient comme ça et qui lit un texte en anglais ? Alors, c'est un long débat. Il faut savoir que, je ne connais pas le dossier, mais j'ai confronté à ce genre de situation. Il y a deux cas de figure. D'abord, c'est une multinationale, donc le groupe est américain, donc c'est logique que le management international soit anglo-saxon et parle anglais. Il semble que le management belge ait découvert cette intention une semaine avant. Donc, de deux choses l'une, ou, dans le sens, je dirais, presque positif, le management américain se dit « c'est à moi à prendre ma responsabilité et c'est à moi à l'annoncer ». Le malheur, c'est que ce n'est pas un groupe francophone, donc ils doivent le faire en anglais. Autre cas de figure, ce qui arrive aussi, c'est que le management belge n'est pas très solidaire de cette décision et se dit « ce n'est pas à moi ». Eux aussi perdent leur emploi. Bien sûr. Donc, ce n'est pas à moi à porter le message. Donc, on vous demande de porter le message. Donc, je dirais, le fait qu'on ait parlé en anglais, c'est plutôt lié à la maison mère qu'à un défaut de communication. Mais ce n'est quand même pas très bon pour l'image de marque de Caterpillar. Ou bien, ça n'a pas d'importance. Je pense que pour eux, ça n'a pas d'importance. C'est vrai qu'il n'y a personne qui va se décider de ne pas acheter un bulldozer pour parler simplement. Voilà, exactement. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon du B2B. Donc, c'est du business à business. Donc, ce sont effectivement, c'est pas lié aux consommateurs. Et donc, effectivement, pour eux, c'est pas comme vendre des boissons rafraîchissantes ou des choses comme ça. Mais voilà, en même temps, on parlait de Renault tout à l'heure, on sait que le public s'indigne et puis oublie. Renault, les ventes ont de nouveau augmenté. On s'était vu l'an dernier à cette époque pour parler de l'affaire Volkswagen, de la triche sur les moteurs diesel. Il y a aussi eu un petit creux et puis les choses sont revenues comme avant. C'est quand même très transitoire, cette indignation. Oui, en fait, c'est assez intéressant. Très souvent, on parle de mauvaise communication lors d'une annonce, or que c'est surtout l'annonce qui fait mal. Ce n'est pas la communication. La communication, elle est extrêmement réglementée. Et donc, le fait de lire pendant 30 secondes une intention, c'est malheureusement un peu la règle. Donc, ça vous semble inéluctable. Il n'y a pas, à votre avis, moyen de faire Non, d'abord, on ne peut pas préparer. C'est-à-dire que si on devait commencer à semer un petit peu l'information auprès des hommes politiques ou auprès du personnel, on est en défaut par rapport à la loi. C'est ce qui s'est passé, mais ils sont bons avec ArcelorMittal, où ils n'ont jamais pu lancer la procédure parce que l'information était connue avant le lancement de la procédure. Exact. Donc effectivement, d'un point de vue strictement juridique, il est de bon aloi de ne rien dire du tout. Alors Christian Carpentier, avant de passer à l'analyse de la réaction du monde politique, vous avez un commentaire sur ce que l'on vient d'aborder, l'attitude de l'entreprise ? Oui, moi je dirais que cyniquement parlant, c'est assez bien joué de sa part. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est un discours en anglais par un responsable financier américain qui montre bien que la décision n'est plus du tout prise en Belgique, mais elle est prise à l'étranger. Au moins c'est clair, quoi. Au moins c'est clair. Ouais. Et puis il met trois raisons à la fermeture sur la table et il insiste sur le fait que c'est la dernière qui a primé. Et la dernière, c'est quoi ? C'est le coût du travail en Belgique. Donc il renvoie la patate chaude aux différents gouvernements belges en disant, mais vous savez, si vous ne réformez pas votre structure salariale, sociale, les coûts sociaux, etc., eh bien, nous, cette fermeture est devenue inéluctable. Donc je trouve qu'en termes de communication, cyniquement parlant, encore une fois, c'est assez intelligemment construit. Éric Bérin, même question. Mais ils ne sont pas dans une communication de crise, ils n'ont pas tellement de précautions à prendre. C'est eux qui sont à la manœuvre, c'est eux qui décident de l'agenda. Donc, comme on l'a très, très justement indiqué il y a quelques secondes, on n'achète pas un bulldozer tous les deux ans. Donc ils n'ont même pas trop à se préoccuper de leur image du point de vue du public, de ce point de vue-là. N'empêche que pour l'image globale des multinationales, du système libéral ou capitaliste qu'ils défendent, c'est quand même pas bon tout ça. Ils s'en tapent. Non, je pense qu'on regarde malheureusement, c'est émotionnel, donc je ne vais pas être froid en disant ça, ce qui a été annoncé est vraiment dur vu le nombre de personnes impactées, mais si on regarde ça d'un point de vue un peu plus macroéconomique, c'est une entreprise américaine de 100 000 personnes et ils ont une sorte de jeu de stratégie, quand je dis de jeu, pas dans le sens négatif du terme, mais c'est-à-dire qu'ils ont une map monde, et puis regarde, ils ont un problème financier économique. hein. Je crois qu'ils ont perdu 30% de leur chiffre d'affaires. Donc ils vont regarder tous les paramètres, et puis quelque part aux États-Unis on dit, mais quand on regarde le coût de l'infrastructure, le coût du salaire, etc., et qu'on voit qu'il y a une sous-capacité dans un autre site, eh bien on va simplement gommer un site. Voilà, donc cette communication finalement nous donne une lumière crue sur la réalité du système. Tout à fait. C'est au moins quelque chose que l'on peut pointer. Deuxième volet de notre décodage, l'attitude du monde politique. On essaie, comme gouvernement en Belgique, comme dans d'autres pays, d'attirer des grandes entreprises pour créer de l'emploi direct et de l'emploi indirect. Et c'est vrai que quand ces grandes entreprises décident d'un coup de crayon de s'en aller, c'est un choc brutal. C'est ce que nous vivons maintenant. Et nous devons donc regarder comment on continue à moderniser structurellement notre pays pour attirer durablement des entreprises. Et ici, il y a un sentiment d'injustice. Mais on va se battre. On ne va pas se laisser abattre. On va se battre. On va batailler main dans la main avec les travailleurs, avec les familles. Au-delà des couleurs politiques, regarde dans la même direction et voit vraiment, de manière presque militaire, hein, point par point, comment on peut faire valoir les préoccupations du pays et les préoccupations des travailleurs et de leur famille. Ici, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille ou a travaillé chez Caterpillar. Pour le dirigeant américain qui est venu annoncer cette terrible nouvelle hier matin, ces femmes et ces hommes, ce ne sont que des nombres, abstraits. Pour nous, ce sont des noms, des visages. 5 000 à 6 000 familles de travailleurs, de Caterpillar et de ses sous-traitants qui vivent aujourd'hui dans un mélange de rage et de détresse, et nous partageons leurs souffrances. C'était donc Charles Michel, Premier ministre, et Paul Magnette, ministre président wallon. L'image du jour, c'est en effet cette visite de Charles Michel et Chris Peeters à l'Élysée, à Namur. Quand on connaît la grande amitié entre Charles Michel et Paul Magnette, on se dit que ça doit être grave, Christian Carpentier. Oui, grave, et donc c'est vrai que c'est une première, hein, que le fédéral descende comme ça, en plus avec un ministre flamand de l'économie, Chris Peeters, à Namur, c'est une première. Je peux pas quand même m'ôter totalement de l'esprit que c'est un petit peu construit aussi, parce que ça montre que finalement, le centre de décision, il n'est pas au fédéral, mais il est à la région wallonne. Oui, c'est bien joué de ce point de vue-là, voilà, de la part de Charles Michel. Voilà, tout à fait. Il y a une image un peu subliminale qu'on imprime dans l'esprit des gens là-dessus. Mmh. Maintenant, pour tout ce qui est appel à la mobilisation, union sacrée des partis, malheureusement, il faut bien reconnaître que le bruit que font les politiques dans ces moments-là, il est souvent inversement proportionnel à leur efficacité. C'est-à-dire que moins ils ont de prise sur les choses, et plus ils vont multiplier les sorties bruyantes pour tenter de convaincre de l'inverse. Le problème ici, c'est que la décision, elle est prise, elle est irrévocable. C'était en amont qu'il fallait essayer de tenter de peser sur cette décision, et ce problème-ci, il a mis en lumière deux choses. D'une part, le fait que, et ça aussi, c'est, semble-t-il, une première, et c'est Charles Michel lui-même qui le reconnaissait hier dans l'écho, il n'a pas été averti avant de la décision de la multinationale, alors que c'est la tradition en général que le Premier ministre, un jour ou deux avant, soit mis au courant. Mmh. Donc ça montre clairement qu'il y a un problème de contact, tant pour le fédéral que pour la région wallonne. Ça pose la question lancinante depuis 2 ans et demi du temps et du niveau qu'on a pour ces contacts. Je veux dire qu'au niveau de la région wallonne, il y a deux figures de proue qui sont Paul Magnette et Maxime Prévost, qui ont des casquettes doubles, puisqu'ils sont à la fois bourgmestre et ministre. C'est extrêmement énergivore. Il y a aussi un problème de niveau, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la ministre wallonne de l'Emploi. Pour les gens qui nous écoutent, je signale que c'est Éliane Thilieu, parce que je suis même pas sûr qu'ils le sachent. Moi, je l'ai pas vue depuis le vendredi matin. Elle est fantomatique plus encore que d'habitude. Et puis le deuxième volet de problème, ce sont les aides inconditionnelles que l'on accorde à ces entreprises on croit retenir. Ben non, en fait, elles prennent l'argent et elles s'en vont. Là-dessus, la Wallonie, elle a osé une réforme avec des aides conditionnées. C'est toujours pas le cas du fédéral avec les intérêts notionnels, et on sait qu'Caterpillar a bien profité des intérêts notionnels. Il est sans doute largement temps de se poser la question de ce système. Éric Bierrin, pour vous aussi, l'union sacrée, c'est quelque part une image qui fait voler en éclats tout un discours positif. En fait, les politiques sont complètement démunis. Donc, je partage très très largement ce que vient de dire Christian Carpentier. Mmh. Effectivement, l'appel à l'union sacrée, c'est évidemment destiné à répondre au choc créé par la nouvelle. Et donc, quelque part, il faut combler le vide qui vient de s'ouvrir par des discours un peu emphatiques. Mais on se dit, mais est-ce que c'est quoi ? C'est l'union sacrée des perdants ou c'est l'union sacrée de qui ? Et la mesure de l'impuissance du politique à cet égard, on la connaît depuis pratiquement 20 ans. La loi Renault, la fermeture de Renault, c'est 97, la loi Renault, c'est 98. Ça fait pratiquement 20 ans que nous mesurons l'impuissance du politique qui ne peut intervenir qu'en aval. Et je rappelle que 97-98, c'est une période où l'Europe, c'était pas une Europe à 26, c'était une Europe à 15. La plupart des gouvernements étaient des gouvernements sociodémocrates. Et malgré tout, à l'époque, Renault a décidé de fermer, le politique n'a rien pu faire. Et donc, Et à l'époque aussi, Lionel Jospin, d'ailleurs, est venu manifester à Bruxelles. Oui, manifester, et puis finalement, rien ne s'est passé. Voilà. Bon. Ouais. Donc, voilà, la mesure du politique par rapport aux grands groupes internationaux, quand ils prennent une décision unilatérale, elle est évidemment extrêmement limitée, et ceci n'en est qu'une démonstration particulièrement spectaculaire. Ouais, et Christian Carpentier, les internautes sont très durs hein, avec les responsables politiques. Alors, ce n'est évidemment pas le reflet de toute la population, mais c'est quand même une indication. On entendait quand même Paul Magnette sincèrement ému dans sa déclaration tout à l'heure. Ah oui, tout à fait, mais je crois qu'il l'est sincèrement, parce que de fait, quand on vit à Charleroi, et il est originaire de Charleroi, on connaît tous quelqu'un qui a travaillé ou qui travaille chez Caterpillar. Je me rappelle avoir fait une interview il y a 2 ans d'Eliott Hiroupo, dont le frère avait été soudeur chez Caterpillar, par exemple. Donc c'est des choses que les hommes politiques vivent dans leur trip. Mais je crois que la dureté des internautes, c'est face à ce manque de maîtrise que donne le politique, et puis aussi peut-être face à ce manque de solutions que donne le politique, parce que la vraie question qui se pose aujourd'hui, notamment pour la Wallonie, c'est celle de la structure de son tissu économique. Est-ce qu'il faut vraiment se battre pour maintenir de grosses entreprises dont Caterpillar était une des dernières, ou bien est-ce qu'il ne faut pas commencer à développer davantage le tissu de PME wallonne qui auront une vraie valeur ajoutée, une plus grande efficacité, mais surtout dont le niveau décisionnel restera chez nous. Tant qu'on aura un niveau décisionnel qui est à l'étranger, c'est une bataille perdue, et aujourd'hui j'ai un peu l'impression qu'on a été éliminé de l'euro de foot et qu'on continue effectivement à faire la bataille des perdants et qu'on va contester l'arbitrage après coup. C'est trop tard, ça. Ce qu'il faut voir, c'est aller de l'avant, et je crois que ce que les gens, les internautes dont vous parlez, mais aussi les gens qui ne s'expriment pas attendent, c'est qu'on leur donne des solutions. C'est ça le rôle du politique. C'est face à une situation de créer les conditions d'une vraie relance de l'économie en Wallonie. Emmanuel Gutsels, votre regard de spécialiste de la communication des entreprises plutôt sur l'attitude du monde politique. Mais ce qui me surprend, c'est la surprise des hommes politiques de découvrir ce type d'annonce. Je lisais effectivement dans l'écho d'hier Charles Michel qui disait « c'est scandaleux, on n'a pas été prévenu en amont ». Je reviens sur le concept de la loi Renault. On ne peut pas légalement, en fait, avertir les hommes politiques avant d'avoir averti le personnel. Et c'est un débat qu'on a à chaque fois lorsqu'on lance une procédure comme ça. Ça se fait de temps en temps, mais on prend un risque juridique immense. Et puis surtout, il faudrait que les hommes politiques, une fois qu'ils aient l'information, qu'ils n'en parlent pas. Et c'est malheureusement le risque, c'est qu'une fois qu'ils ont l'information, ils la donnent au public. Et là, effectivement, on ne peut pas le faire. Alors, Éric Bierin, on parlait de Paul Magnette, sa position est quand même très particulière. Il est à la fois bourgmestre de Charleroi, ministre-président wallon, et ça lui est reproché. Hein, ça nuit en partie quand même à son image. En plus, l'été a quand même commencé par un attentat contre le commissariat de Charleroi, où 2 policiers ont été gravement blessés. Et puis maintenant, ça se termine par la fermeture de Caterpillar. Il est très exposé. Il est très exposé. Moi, je ne le flinguerai pas de ce point de vue-là, parce que quelque part, on peut aussi se dire qu'il dispose d'autant mieux des outils nécessaires pour réagir. Il est à la fois le maître parmi le gouvernement wallon, c'est lui le chef. À Charleroi, c'est lui le chef. Il occupe une place extrêmement enviable au niveau du Parti Socialiste. Donc il a quand même pas mal de leviers. Toutes ces casquettes, c'est un avantage pour lui, selon vous. Pour agir aujourd'hui sur Charleroi, je pense que c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Maintenant, j'entends bien aussi ce que dit Christian, c'est vrai qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et peut-être que ceci devrait aussi l'encourager à faire des choix de priorité. Christian Carpentier, même question pour vous, l'image de Paul Magnette avec ses différentes casquettes, positif, négatif? Mais ce que les gens, pour moi c'est négatif, je le dis depuis le début, c'est invivable tant pour lui que pour Maxime Prévost de gérer une grande ville wallonne et d'être à la fois dans un processus dans lequel il faut pas oublier que la solidarité financière du pays, elle prend fin dans moins de 10 ans, hein, c'est dans 8 ans, je crois même dans 7 ans et demi désormais que tout ça se terminera, donc je pense qu'il y a une urgence wallonne qui ne peut pas supporter cette double casquette, et puis il n'y a rien à faire, les gens retiennent des images, et il y avait cette image de vendredi, le comité stratégique des forces vives à Charleroi, où Paul Magnette était absent, c'était Paul Furlan qui le remplaçait aux côtés d'Olivier Chastel et de Jean-Marc Nollet, donc c'est quelque chose qui, rien que dans la perception que le public peut avoir, n'est pas bon, évidemment il était, lui, en direct de l'Élysée et il intervenait, ça c'est vrai, tout à fait, mais je pense que il n'y a rien à faire, si on veut, je reviens à la toute première intervention, si on veut pouvoir avoir des contacts de haut niveau avec des patrons d'entreprises qui ici sont aux États-Unis, il faut avoir le temps pour avoir ces contacts et pour aller les chercher. Et ici, on ne peut pas gérer deux choses qui sont énormes, parce que Charleroi a aussi un énorme besoin de redressement et il est en cours, et la Wallonie tout autant. On ne peut pas gérer ces deux choses-là de front, ça c'était pas possible et ça se démontre ici. Emmanuel Goutsel, Céric Bierin, Christian Carpentier, merci. Et nous accueillons Sacha Daout parce qu'il y aura tout à l'heure une émission spéciale sur la Une consacrée évidemment à cette affaire. Qu'est-ce qu'on y aura ? Alors, on ne pouvait évidemment pas passer à côté de cet événement et de ce drame social qui joue dans la région. On voulait donner la parole aux ouvriers, on voulait donner la parole aux syndicats qui vont maintenant avoir pas mal de pain sur la planche, hein, c'est évident, vu que lundi on va lancer la procédure. On voulait aussi que le politique intervienne sur le plateau et qu'il puisse peut-être faire aveu d'impuissance, pourquoi pas. J'ai écouté attentivement ce que vous disiez, Éric Bierin, et voilà, effectivement, ben on va maintenant devoir travailler, comme souvent, en aval de ce qui s'est passé, en constatant les dégâts, une fois de plus. Mais peut-être qu'il faut arrêter de constater les dégâts, et ce qu'on voudrait vraiment savoir, je pense, dans ce type d'émission, c'est que peut faire le politique, comment ne plus jamais vivre ça. Oui, faut-il développer le tissu des PME wallonnes? Faut-il maintenant arrêter d'accepter de s'abaisser devant des multinationales dont la direction est basée à l'étranger et puis fait finalement fi de tout ce qui se passe ici? Ce sont ces questions-là qu'on va poser, avec toujours en filigrane, évidemment, l'aspect très humain de ce que vivent les gens de Gosselies. Et alors, c'est à 11h45. Et c'est sur la Une. Merci beaucoup, merci Sacha. Nous y serons. 10h, 11h, sur la Première. Les décodeurs RTBF. Les derniers chiffres publiés par le CIM, le Centre d'information sur les médias, indiquent une nouvelle baisse de la plupart des quotidiens et magazines francophones. Seul le journal L'Écho tire son épingle du jeu grâce à la hausse de ses ventes numériques. C'est d'ailleurs la question lancinante. Est-ce que les ventes numériques vont compenser à temps la chute de l'imprimé? Mais il est aussi possible d'aller plus loin dans le questionnement. On peut se demander si ce n'est pas le principe même de l'abonnement à un journal imprimé au numérique qui a fait son temps, ou même la vente au numéro. Via les applis, les agrégateurs, sur les réseaux sociaux, nous lisons des articles qui viennent d'un peu partout. Pourquoi donc ne pas reconstruire un modèle à partir de cette nouvelle réalité? On ne paierait que pour les articles qu'on lit effectivement, quelle qu'en soit l'origine. C'est l'ambition de la plateforme néerlandaise Blendle qui a été créée en 2013 et elle a reçu le soutien de grands noms de la presse comme le New York Times ou le groupe allemand Springer. Elle est disponible actuellement en néerlandais et en allemand. Blendle vient de dépasser le million de membres. Et en France aussi, un nouveau site a la même ambition. Il s'appelle Articly et nous sommes en ligne avec son cofondateur, Pierre Tisserand. Bonjour. Bonjour. L'analogie avec la musique est tentante, hein. On peut acheter le CD d'un groupe, mais sur iTunes, le téléchargement d'Apple, on ne télécharge finalement, on n'achète qu'un ou plusieurs morceaux au choix. C'est un peu le même principe, Articly. Oui, effectivement, c'est un peu le même principe. Finalement, c'est un peu épouser les modes de consommation qu'on a sur Internet, et notamment l'utilisation qu'on peut avoir des contenus via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que concrètement, c'est difficile de partager un album de musique ou une revue magazine ou un journal. Mais finalement, tout se passe via un article. C'est-à-dire que l'unité, c'est vraiment l'article sur Internet. Et en ça, la délinéarisation des magazines et journaux nous permet de faire rentrer ces contenus justement sur les réseaux sociaux, profiter pleinement de tout ce que peut nous apporter le web. Mais alors, combien coûte la lecture d'un article sur Articly? Alors, elle coûte entre 20 centimes et 1 euro, donc ça dépend vraiment de la longueur, à la fois de la longueur de l'article et aussi du prix du magazine ou du journal à l'origine. Et pour l'instant, on y trouve surtout des magazines hebdomadaires, mensuels, moins de quotidiens. Effectivement. On a vu tous les acteurs donc en France. Finalement, tout ce qui est presse nationale sont plutôt intéressés, mais ils attendent d'avoir un peu de retour. Ouais. Et presse magazine, pour le coup, c'était une véritable aubaine, parce qu'il y a beaucoup de magazines, finalement, qui ne peuvent pas rendre disponibles ces contenus sur Internet. Mmh. Et pour eux, comme pour les journalistes qui les écrivent, c'est quelque chose d'assez satisfaisant, dans le sens où, encore une fois, ça leur permet de faire rentrer leur contenu sur le web. Ouais, pour les éditeurs de quotidiens, c'est un peu la crainte d'une concurrence, finalement. Effectivement, c'est-à-dire que on a un développement de toutes les offres d'abonnement payant. Mmh. Et du coup, c'est donc autour, en général, de 10-15 euros par mois. Donc c'était la crainte, justement, de perdre une partie de ses utilisateurs. Et c'est notamment pour ça qu'on s'est dirigé vers un modèle à iTunes, plutôt qu'un modèle à la Spotify, donc avec un abonnement illimité, oui. Dans le sens où ça rentrerait pour l'instant trop en concurrence avec les différentes offres de différents éditeurs. Et on va y revenir à cela, mais quel est l'accueil du public pour l'instant ? Alors pour l'instant, nous sommes en test, donc jusqu'au 14 septembre où on sortira officiellement. Mmh. Et donc ces quelques semaines de test nous ont permis de voir qu'il y avait quand même un véritable engouement, notamment autour des articles, qui sont sur une cible un peu plus jeune. Et finalement, ça leur permet de découvrir, de partager, de commenter sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, on voit qu'il y a vraiment un effet de buzz sur des contenus qui sont finalement des contenus de qualité. On n'est plus sur des clickbait ou du buzz, on a vraiment du débat sur ces articles. Alors votre pari, c'est que le public est encore prêt à payer pour de l'info, mais est-ce que c'est pas trop tard quand on voit justement la profusion de contenus gratuits? Effectivement, c'est-à-dire que ce sera vraiment tout le challenge, c'est de faire comprendre aux utilisateurs qu'ils comprennent pour quelque chose qui est différent de ce qu'ils peuvent trouver gratuitement sur Internet. Concrètement, ce que vous trouvez gratuitement sur Internet, sur à peu près l'ensemble des sites de news, c'est des sources, c'est des informations chaudes, beaucoup de reprises de dépêches, et surtout, voilà, c'est vraiment rebondir sur l'activité à chaud. C'est pour ça que nous, on a pris le parti de sélectionner que les plus longs articles, les analyses, et en ça, finalement, ces articles de ce type-là, de cette qualité-là, finalement, sont assez peu disponibles gratuitement sur Internet. Vous visez manifestement les contenus à valeur ajoutée, mais on parlait du passage du CD à iTunes. Aujourd'hui, vous y avez fait allusion, c'est Spotify, Deezer ou Apple Music qui ont la cote, et Netflix pour la vidéo. On paye 10 euros, voire 15 pour une famille, et on a tout ce qu'on veut. Est-ce que l'étape suivante, c'est une sorte de forfait qui donnerait accès à tout ce qu'on veut sur la presse? C'est pensable, ça? Effectivement, c'est quelque chose sur lesquels on pourrait être amené à être dirigé. On pourrait aussi penser à des abonnements thématiques, typiquement sur des abonnements autour de la science ou de la recherche, des abonnements autour de l'histoire. On peut vraiment penser à des abonnements thématiques illimités sur un ensemble de revues. Mmh. Et ça, effectivement, on a déjà eu des discussions à ce sujet-là. Au niveau de l'abonnement illimité, tout à fait illimité, je pense qu'il faudra encore attendre un petit peu. Est-ce que le marché belge vous intéresse? Ah oui, bien sûr. En fait, on a rencontré donc le groupe Rossel et le groupe IPM il y a quelques mois, début d'année. Et donc effectivement, ils attendent de voir un peu les premiers tours qu'on va pouvoir avoir pour peut-être donc se lancer d'ici l'année prochaine. Et donc peut-être un jour le soir, Sud Presse, La Libre ou la DH sur Articly. Merci pour ce petit scoop. Justement, Articly, comment y avoir accès? Vous pouvez y accéder directement sur le site articly.com. Mm-hmm. Bientôt disponible en application sur les Apple Store et Google Store d'ici la fin d'année. Pierre Tisserand, merci et bonne chance. Merci. Papier à l'occasion, papier chiffon.

d'adresser des messages publicitaires selon vos goûts et vos désirs. Donc ça veut dire qu'un téléspectateur qui regarde The Voice à Liège ou à Tournai pourrait avoir des pubs différentes. C'est exactement ça. Une même émission de télé grand public, eh bien vous pourriez avoir au moment de la publicité un spot pour une marque de linge si vous êtes un jeune couple avec bébé. Tandis que si vous êtes pensionné, au même moment sur votre écran, vous auriez peut-être une pub pour les appareils auditifs. Donc les spectateurs vont certainement se sentir davantage concernés. Hein. Ça, c'est un peu dans l'air du temps. Hein. Vous savez que les téléspectateurs sont un peu opposés à la pub qui ne les concerne pas. Et donc l'idée de la pub ciblée à la télé, c'est de rendre cette expérience client plus agréable. C'est vrai que vous l'avez dit, hein, la pub ciblée à la télé, c'est un peu le graal des annonceurs. Et donc voilà, ici, on va concrètement personnaliser le message selon l'endroit où vous habitez, l'âge, la composition du foyer et vos informations, je dirais, comportementales sur vos habitudes télévisuelles. Et c'est pour quand cette grande nouveauté ? Alors, la révolution, c'est pas pour demain. C'est vrai qu'il y a eu une première phase de test informel qui a déjà débuté il y a quelques semaines avec des employés de la maison Proximus. Ici, deuxième phase, ce sont des tests grandeur nature chez les clients, hein, d'où le courrier envoyé. Mais je dirais que la pub ciblée à la télé en Belgique, ce ne sera pas avant l'année 2017, dans le courant de l'année 2017, dit-on chez Proximus. D'un autre côté, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que tous les écrans publicitaires soient personnalisés du jour au lendemain. Les spécialistes disent que la télévision va rester un média de masse, hein, avec des opportunités de ciblage supplémentaires. Ça veut dire qu'on ne sera pas dans un modèle one-to-one comme sur le web, mais plutôt dans un système de grappage, c'est-à-dire qu'on va cibler les téléspectateurs par grappe, en fonction de profils similaires ou de zones géographiques, et on pourra avoir, comme par exemple en radio, des décrochages. Mmh. C'est-à-dire qu'on pourra avoir... Ça existe déjà. Hein. Oui, mais ici, on pourra avoir, par exemple, un spot pour une marque automobile, et les dernières secondes seraient remplacées, selon où vous habitez, par un petit message sur le concessionnaire local. Donc ça va ouvrir aussi la porte de la pub télé aux annonceurs locaux qui, jusqu'ici, avaient un peu financièrement des difficultés à y accéder. Alors, toujours la même question, celle de la vie privée. Ah oui, effectivement, vous imaginez bien qu'il y a eu déjà une levée de bouclier hein, chez les défenseurs du respect de la vie privée, parce qu'on a l'impression qu'avec ce système, on va encore se faire fliquer davantage dans son quotidien. On est dans un scénario un peu à la Orwell, hein, 1984, et surtout quand c'est un média mainstream qui est dans votre foyer, donc la télévision, on a le sentiment qu'il y a une prise de contrôle sur sa vie privée, donc c'est jamais agréable. Et c'est pour ça que Proximus, dans son courrier, a aussi souligné le fait que cette option de publicité ciblée peut être désactivée par le client. Donc il joue la carte de la transparence. Mmh. On va pomper vos données, mais si vous ne voulez pas recevoir de la pub entre guillemets pertinente, eh bien vous pouvez choisir de ne pas l'accepter. Et c'est vrai qu'il y a, c'est un peu ça le défi aujourd'hui pour les opérateurs. Hein. C'est pas vraiment le pari technique parce qu'on y arrive. C'est plutôt cette appréhension de l'utilisateur final qu'il faut dépasser. Et d'ailleurs, selon mes infos, c'est pour ça que le concurrent de Proximus, vous, n'y est pas encore arrivé à ce processus de tests sur la pub ciblée parce qu'ils sont un petit peu dérangés par ce côté respect de la vie privée. Merci Frédéric. Et je rappelle que votre séquence, comme toutes les autres, sont disponibles aussi sur RTBF Ovio. Les décodeurs RTBF, 10h-11h sur la première. Et puis on n'oublie pas que c'est la rentrée des classes. L'enseignement est lui aussi entraîné dans le tourbillon de la révolution numérique. Où en est-on ? Eh bien nous en parlons avec Nicolas Roland, chercheur en sciences de l'éducation à l'ULB, responsable d'ULB Podcast. Bonjour. Bonjour. Et Benjamin Nizet, Education Account Executive chez Microsoft. Vous nous traduisez ça ? Oui, bonjour, je suis le point de contact pour Microsoft pour les écoles primaires, secondaires et supérieures. Voilà, et vous avez aussi précédemment collaboré au site enseignons.be, c'est un portail pédagogique. Merci à vous deux de nous avoir rejoints. Cette semaine, dans le cadre de son plan numérique, le ministre Jean-Claude Marcourt a annoncé de nouveaux projets. L'objectif, c'est 500 projets pilotes supplémentaires chaque année à l'intérieur d'un budget d'un peu plus de 60 millions d'euros. Et donc, ça va nous permettre de financer les équipements nécessaires à des projets pédagogiques. Et de son côté, la ministre en charge de l'enseignement obligatoire permettra aux enseignants de se former. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, utiliser le numérique, c'est un formidable accélérateur pour les enfants, pour découvrir des éléments, que ce soit de physique, de mathématiques ou de technologie. Alors Nicolas Roland, on ne peut pas dire que rien ne se fait. On voit que, en effet, d'année en année, les pouvoirs publics lancent de nouveaux projets. Il y a vraiment une volonté qui se manifeste sur le terrain de faire un certain nombre de choses ? Il y a une volonté et l'objectif est louable. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer les pratiques pédagogiques à l'aide du numérique, d'améliorer les apprentissages à l'aide du numérique. Mais la mise en œuvre ne prend pas en compte nécessairement ce qui a pu se faire ailleurs. On l'entend ici, on parle beaucoup de l'équipement. C'est ce qui revient souvent dans le discours politique. Mais quand on regarde ce qui s'est fait dans d'autres pays, on voit que ce n'est pas nécessairement l'équipement qui est à mettre au premier plan, mais plutôt la formation et l'accompagnement des enseignants. On voit que quand il y a un accompagnement trop faible, les projets ne fonctionnent pas. Aussi un manque de lien entre cet équipement et les pratiques pédagogiques. Souvent, l'équipement est décontextualisé. On a tendance à mettre du matériel choisi par appel marché public dans les écoles. Et finalement, les enseignants se retrouvent avec du matériel qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'ils font dans leur classe, à la manière dont ils enseignent. Et donc là, il y a un besoin vraiment de réflexion et d'action pour avoir du lien entre ces pratiques pédagogiques. On va évidemment parler de la mise en œuvre de ces projets et du lien qui est fait avec la formation des enseignants. Benjamin Nizet, vous avez le point de vue du fournisseur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une variété dans l'offre de matériel qui peut correspondre à des besoins des enseignants et des écoles? Oui, je pense qu'il y a une variété d'offres dans le matériel. Il y a aussi une variété de possibilités de transformation d'une école. On n'est pas forcément obligé de passer par la case équipement pour transformer son école de manière digitale. On peut utiliser des services en ligne qui sont gratuits et commencer petit à petit. On n'est pas obligé directement d'avoir un plan d'équipement colossal. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas complètement changer toute l'école, virer les tableaux classiques, installer des ordinateurs pour tous les étudiants. C'est pas ça l'enjeu aujourd'hui. Dans tout ce qui concerne l'équipement? L'enjeu, c'est d'accompagner le changement dans les écoles. Si on fait un branle-bas de combat, on risque d'avoir une levée de bouclier de la part des principaux acteurs, c'est-à-dire les enseignants. Je pense qu'il faut amener les enseignants au changement et on peut le faire de plusieurs manières, notamment en accompagnant les projets pédagogiques en termes de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a la partie enseignant, bien sûr, et il y a la partie élève. Oui. Mais justement, les élèves, ils ont déjà, même très jeunes, des équipements. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce que les élèves ont déjà, ce dont ils disposent, et essayer de construire une pédagogie numérique à partir de cela, plutôt qu'en important des technologies peut-être plus pointues, mais qui ne sont pas assez utilisé. Nicolas Roland. On doit s'appuyer là-dessus, mais il faut faire réellement une distinction entre les pratiques des élèves dans la sphère personnelle, qui sont souvent des pratiques ludiques et de surface, sur les réseaux sociaux et puis sur quelques outils, et puis les pratiques plus académiques d'utilisation de ces outils pour l'apprentissage. Mmh. On le voit même à l'université avec la vidéo, où des enseignants vont utiliser la vidéo dans le cadre de leurs cours. À ce niveau-là, les étudiants, même s'ils ont l'habitude d'utiliser la vidéo et qui n'est pas un média très, très compliqué, on play, pause, rewind, voilà, ils sont capables techniquement de les utiliser. C'est gentil pour eux. Par contre, la manière d'appréhender l'information à travers une vidéo, on ne leur a jamais appris et c'est une nouvelle manière, ils sont un peu désarçonnés. Et là, on va voir des distinctions entre les élèves qui vont pouvoir appréhender l'information dans ce nouveau média et ceux qui ne seront pas capables. Et là, il y a un accompagnement, comme on le disait, nécessaire des élèves et des étudiants pour avoir des pratiques d'apprentissage avec ces nouveaux outils. On ne peut pas se baser uniquement sur ce qu'ils font déjà à la maison, sur ces outils. Benjamin Nizet. Oui, on participe d'ailleurs à des activités avec Child Focus, et c'est des activités européennes qui s'appellent Safer Internet Day, donc la journée de l'Internet plus sûr, avec Proximus notamment, pour aider les élèves à comprendre comment on peut faire un usage responsable des nouvelles technologies, comment on peut gérer de manière saine son profil public. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire en complément de l'équipement et de la formation des enseignants, certainement. Mais moi qui ai aussi été dans ma longue carrière, où j'ai fait trop de choses enseignant, j'ai quand même pu constater que la technologie, elle n'est rien s'il n'y a pas aussi une pédagogie. Est-ce qu'aujourd'hui, la recherche sur des pédagogies qui intègrent le numérique, si cette recherche est aussi poussée que, finalement, le développement de toute une série de matériel high-tech, Nicolas Roland ? La recherche est poussée, malheureusement, l'angle d'attaque est souvent très technocentré. On pense la question qui est quel est l'impact de l'outil sur les apprentissages ou sur les pratiques pédagogiques. Et rarement la question de quelles sont les bonnes pratiques pédagogiques intégrant l'outil pour favoriser les apprentissages. Mais alors, qu'est-ce que pourrait être, par exemple, une bonne pratique pédagogique de l'usage des technologies ? Si on devait prendre un exemple pour un instituteur, qu'est-ce qu'il peut retirer dans sa pratique pédagogique de l'arrivée de matériel ou de support numérique ? Le numérique, et notamment Internet, offre une ouverture sur le monde, sur les autres. Et là, je crois que c'est important, dans le cadre de pédagogie plus active, de pouvoir donner du sens aux apprentissages. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le numérique pour avoir des apprentissages et des activités pédagogiques qui vont être porteuses de plus de sens, plutôt que d'effectuer des pratiques pédagogiques au sein de la classe, entre quelques élèves, ou même de faire des activités, à la limite, pour son enseignant. Le fait de créer des activités qui vont être sur Internet, qui vont être publiées, vont être plus porteuses de sens pour les élèves et vont vraiment pouvoir les engager dans cet âge. Donc on ouvre sur le monde, en quelque sorte. Benjamin Nizet, vous parliez des outils gratuits, hein, de ce qu'on peut trouver, non pas comme matériel, mais sur Internet comme contenu. Vous pensiez à quoi, par exemple ? Oh, chez Microsoft, on en a avec Office 365, mais il y en a chez d'autres fournisseurs. Et ça, c'est déjà des outils qui existent. Mais ce sont des outils connus, on les emploie dans le milieu professionnel. Il y a des choses plus spécifiques pour les enseignants et les écoles qui se développent. Donc ça, c'est la base de la collaboration et de la communication. C'est des emails, du stockage. C'est vrai que ça n'a rien de révolutionnaire. Ce qui est intéressant, il y a des outils notamment de classe inversée par rapport à la question de quelles sont les pratiques pédagogiques. Ça, c'est une pratique pédagogique intéressante. C'est-à-dire que plutôt que le prof délivre son contenu en classe devant les élèves, il le fait avant le cours. Les élèves regardent ce contenu sous un format vidéo et ensuite le cours est l'espace de la discussion. Donc on inverse la classe, plutôt que de donner cours et faire des devoirs, on donne le cours et puis on en parle en classe. Vous écoutez Les Décodeurs. Nous sommes en direct sur La Première, tous les dimanches entre 10 et 11 heures. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le mot-clé LDC RTBF. Et nous sommes en train de faire le point sur le numérique à l'école avec Nicolas Roland, chercheur en sciences de l'éducation à l'ULB, et Benjamin Nizet qui s'occupe du pôle enseignement de Microsoft. Les Décodeurs RTBF sur La Première. Et donc, on l'a dit, ce n'est pas qu'une question d'investissement matériel, ni même de projet, mais aussi d'adhésion des enseignants. Il y en a qui sont quand même enthousiastes, comme on va l'entendre dans ce reportage réalisé à l'occasion de la visite de la ministre de l'Éducation, Marie-Martine Schintz, à l'école Saint-Martin d'Assès, dans la province de Namur. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien dans cette classe ? On va travailler sur une poésie de la rentrée qui a été mise dans le désordre et on va pouvoir au tableau vraiment bouger les différents vers pour les mettre à la bonne place, mettre en couleur les indices qui nous ont permis de reconstituer l'ordre chronologique. Et l'avantage après, c'est qu'on a une sauvegarde de ce document-là et les enfants dans leur phare, donc vraiment une trace de la démarche qui a été faite. J'ai bien aimé cette petite vidéo parce que ça ressemblait à un petit dessin animé qui dure 2 minutes. C'est la génération de maintenant, ils sont habitués au numérique, ils sont habitués à la vidéo, ils sont habitués au son et c'est leur quotidien. Vous êtes contents ? Vous êtes contents ? Oui. Quel enthousiasme, Nicolas Roland. C'est la clé, ça, l'enthousiasme des enseignants. Des enseignants, et on l'a entendu, des élèves des également. Des élèves aussi, qui s'amusent vraiment. Donc on voit que la plupart du temps, en effet, il y a un engagement affectif. Les élèves, voire les enseignants aiment ça, ils sont enthousiastes à l'idée d'utiliser le numérique, c'est important. Sauf que cet enthousiasme n'est pas partagé par tout le monde. Voilà, mais il y a une nécessité aussi d'accès sur le partage. À l'heure actuelle, les classes sont finalement très fermées. Les enseignants mènent de très bonnes activités pédagogiques, développent de très belles expérimentations au sein de leur classe et ont des difficultés à les partager ou ne pensent même pas à le partager. Est-ce qu'on associe assez les enseignants aux décisions politiques qui sont prises ? Et est-ce qu'on assure leur formation aux nouvelles pédagogies numériques ? aux décisions politiques, je crois que c'est en train de changer. On l'a vu avec l'intégration de l'ensemble des acteurs de la société dans le pacte d'excellence. Maintenant, lorsqu'on a des décisions, comme on a entendu en début de séquence, c'est pas comment les enseignants ont été consultés. Et en termes de formation, il y a encore du chemin à ce niveau-là, tant dans la formation initiale qui est très dépourvue en termes de pédagogie numérique, que dans la formation continue, mais là qui est liée au bon vouloir des enseignants. Et donc finalement, on va voir que les volontés personnelles de certains enseignants sont renforcées, et donc ils vont se former, puis d'autres vont rester avec des pratiques très traditionnelles. Mais alors concrètement, sur le terrain pour l'instant, est-ce que vous diriez que ça marche pas très bien ou ça marche pas ? Il y a du matériel, il y a d'un côté... Vous parlez comme un homme politique, ça marche, On va dire qu'il y a deux catégories d'enseignants, ouais. Voire trois, mais il y a ceux qui ont le matériel, qui mènent de très bonnes activités pédagogiques avec ces outils numériques et qui mériteraient d'être partagés, vraiment d'être plus connus et d'être plus évalués également, parce que je crois qu'une des clés est l'évaluation. Et puis d'autres qui reçoivent ce matériel, qui ne savent pas quoi faire avec. Et cette partie d'enseignants qui disposent du matériel parfois de manière imposée et qui ne sait pas quoi faire avec, elle est quand même assez majoritaire. Mmh. Et c'est sur ces enseignants-là aussi qu'il faut travailler, les accompagner et les former. Donc il y a une marge de progression. Benjamin Nizet, c'est aussi la responsabilité des fournisseurs, soit de matériel et ou de logiciel, d'assurer le contact avec les enseignants. Est-ce que vous y êtes sensible ? Oui, dans mon équipe, on a une personne qui est en charge uniquement de la partie formation des enseignants et qui est lui-même un enseignant, parce que c'est vital si on veut une adoption des solutions qui sont proposées, que ce soit de l'équipement ou du logiciel ou quelque chose de gratuit. Si on ne montre pas la valeur ajoutée pédagogique au sein de la classe d'un outil, on est certain que l'adoption est nulle après 6 mois ou 1 an. Donc je pense que c'est vital et c'est une des responsabilités des sociétés aussi, d'aider les gouvernements et les enseignants et les écoles à se transformer et à transformer les écoles en écoles numériques. Nicolas Roland, votre conclusion, il y a quand même de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a du financement, il y a également ce pacte d'excellence qui avait un pôle numérique qui a un ensemble de bonnes propositions, à voir comment elles vont être transposées, mais je dirais que l'espoir, il est dans la formation, dans l'accompagnement des enseignants et dans l'évaluation des pratiques, voir ce qui fonctionne bien et que ces pratiques qui fonctionnent puissent être partagées entre les enseignants pour qu'elles puissent motiver de nouveaux enseignants et ensuite améliorer l'apprentissage des élèves. Benjamin Nizet, vous représentez une multinationale, on va parler de Caterpillar, mais est-ce que vous voyez des choses qui, à l'étranger, pourraient aussi nous servir ? Vous avez quand même un poste d'observation mondial, je dirais. Oui, on n'a pas toujours ici. Non, c'est assez intéressant. Parfois, on peut regarder de l'autre côté du rideau de Chicon et regarder ce qui se passe en Flandre, par exemple, où ils ont une attitude... comme ça que vous appelez la frontière linguistique. D'accord. On peut trouver des exemples hyper intéressants de ce qui se fait en Flandre, notamment dans la communication aux parents, des choses très très simples. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de papier dans les écoles. Une manière de digitaliser tout ça, ce serait notamment d'utiliser des plateformes numériques pour communiquer avec les parents. Nicolas Roland, chercheur en éducation à l'ULB, responsable d'ULB Podcast, et Benjamin Nizet, je vais le redire, Education Account Executive chez Microsoft. Merci. Enfin, merci d'avoir suivi les décodeurs. Le débat continue sur les réseaux sociaux avec le mot-clé LDC-RTBF. Vous y êtes actifs, vous y répondrez. Et aussi sur lapremière.be, rediffusion de cette émission à 21h sur La Première et 24h sur 24 sur RTBF Audio. C'est Jonathan Remy qui réalise cette émission. Merci à lui. Très bon dimanche à tous. La Première. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. J'adore le soleil, j'adore comme il nous invite à profiter du jardin. Et j'adore surtout comment mes châssis Bellisol gardent bien dehors le bruit infernal de la tondeuse. Bellisol. La province de Liège, La Une et La Première présentent Debout Citoyens. Rendez-vous le samedi 10 septembre, Place Saint-Lambert. Au programme, le beau vélo de Ravel, concert gratuit d'Alice on the Roof, de Suarez et de l'Opéra Royal de Wallonie au grand complet. Rassemblons-nous pour vivre ensemble cette journée citoyenne. Plus d'infos, deboutcitoyens.be. Deboutcitoyens.be. Le circuit de Spa-Francorchamps, un lieu mythique pour se retrouver en famille. avec des amis ou entre collègues et vivre ensemble des sensations inoubliables. Participez à notre baptême de piste et prenez d'assaut le célèbre Raidillon. Deux tours aux côtés d'un de nos pilotes et deux tours soi-même au volant de sa propre voiture en toute sécurité. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. La première. Il est 11h. C'est l'heure des infos avec Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour à tous. L'effervescence à Calcutta en Inde, autour de la tombe de Mère Teresa. Son portrait trône aussi sur la façade de la basilique Saint-Pierre au Vatican. La religieuse des déshérités est déclarée sainte par le pape François à Rome ce matin. Près de 100 000 personnes ont reçu un sésame pour vivre l'événement sur la place Saint-Pierre. Elle est menacée par l'extrême droite sur ses terres. Élection dans certains Länder en Allemagne ce dimanche. Le parti anti-immigration Alternative für Deutschland devrait réaliser une percée spectaculaire dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. C'est un peu compliqué, mais c'est le Land d'Angela Merkel. C'est une région d'ex-Allemagne de l'Est, sur les bords de la Baltique. C'est là qu'elle a entamé sa carrière politique après la chute du mur. Mais les sondages prédisent que son parti, la CDU, pourrait être devancé par l'AfD. Ce serait une première en Allemagne et un coup de tonnerre symbolique. Un an, jour pour jour, après sa décision d'ouvrir les frontières aux réfugiés qui étaient bloqués en Hongrie. Sans oublier que les prochaines élections législatives fédérales en Allemagne ont lieu dans un an. Créée initialement contre les plans de renflouement financier dans la zone euro, l'AfD s'est muée en parti anti-migration qui incarne une ligne opposée à celle défendue par Angela Merkel. Charleroi est en fête tout le week-end pour son 350e anniversaire, malgré la fermeture annoncée de Caterpillar. Les Carolos ont répondu présents en nombre. Cet après-midi, vers 15h, les festivités se clôtureront par un spectacle qui raconte l'histoire de Charleroi en chanson et en wallon. Pour ce qui est de la clôture du site de Gosselies, cela s'annonce moins facile. Une assemblée générale est prévue demain. Des actions pourraient déjà y être décidées. Notez que l'RTBF vous propose une émission spéciale consacrée à la fermeture de Caterpillar. Caterpillar sous le choc sera présentée en télévision par Sacha Daout avec Cédric Loriot. La parole est donnée aux ouvriers. Tout d'abord, les politiques réagiront ensuite, notamment par la voix d'Éliane Tillieu, Pierre-Yves Jeholet ou encore Raoul Edebeau. Ce sera sur la Une Télé et d'ici 45 minutes. Rendez-vous donc à 11h45. Belle matinée. Toute l'info est sur rtbf.be. Bonjour et bienvenue à l'écoute de la messe radiodiffusée pour laquelle nous retrouvons l'abbaye du Val-Dieu au cœur du pays de Herve. La célébration a été préparée par la communauté chrétienne qui s'est établie ici après le départ des moines et qui continue à faire vivre le lieu dans leur esprit. Les moines quittent tout pour tout retrouver en Dieu. Mère Teresa, qui devient aujourd'hui une sainte pour l'Église universelle, a elle aussi tout quitté, tout donné en imitation du Christ. Cette exigence de l'amour est au cœur des lectures du jour qui seront commentées par Gilbert Meutjens. Ce prêtre, proche de la communauté du Val-Dieu, présidera aussi la célébration.